Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Allez, on commence. 3, 2, 1. Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 20. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Premièrement, notre adresse email. Je vous invite, si vous le souhaitez, à nous contacter sur l'adresse suivante, Démocratie Participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète. Démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi nous faire des dons en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum et Monero. Alors, effectivement, cette semaine, sur le site, a été précisé qu'on lançait effectivement un appel aux dons mensuels, si possible. Tout simplement pour que le site puisse survivre, parce que au rythme de publication, etc., c'est très difficile de le maintenir. S'il n'y a pas, je veux dire, une implication effectivement des auditeurs ou des lecteurs, surtout des lecteurs notamment. Bon, c'est une raison évidente, c'est du temps, c'est du travail, bon voilà. Donc si vous voulez que ça dure, si vous voulez que ça se maintienne, n'hésitez pas à vous engager avec même un petit don mensuel, c'est bien. Ce qui compte, c'est plutôt la fidélité dans le soutien plutôt qu'un don important, unique, c'est vrai que voilà. Je pense que la performance du site n'est pas mauvaise comparativement à d'autres sites d'information qui eux bénéficient de subventions massives, c'est tout à fait certain, c'est pas une petite performance, surtout dans le milieu hostile dans lequel on évolue, puisque c'est bien simple, on est interdit absolument partout, hein. Navigateur Google, c'est évident, et pas que le navigateur Google, interdiction des URL, hein, vous connaissez tout ça, campagne permanente de pression par le gouvernement, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile, et c'est un site, c'est un média qui est intégralement et exclusivement financé par ses lecteurs et auditeurs. Donc pensez-y, je voulais remercier. Alors si vous le faites, je précise, si vous décidez de nous soutenir, n'hésitez pas à nous signifier votre soutien par email pour qu'on puisse simplement vous remercier si vous le faites. J'ai par exemple William from North, c'est son pseudo, qui nous a fait un petit don de 10 euros, nous dit-il, et qui trouve qu'on fait un bon boulot. Donc voilà, il voulait nous le faire. Donc j'aime bien vous donner vos noms. Voilà. Comme ça, ça reste pas anonyme, sauf si vous le voulez pas, bien sûr. Alors, une fois que j'ai fait cette précision, je passe maintenant aussi à au numéro hebdo, version PDF, disponible normalement toutes les semaines, qui reprend tous les articles de la semaine précédente. N'hésitez pas à les télécharger, comme ça, ça vous permet à la fois de faire de l'archivage, mais aussi de les partager avec vos amis, et de les rediffuser aussi. Ça, c'est très important. Parce que si jamais le site peut être momentanément indisponible, il peut y avoir des articles intéressants que vous pouvez retrouver bien évidemment sur ces PDF, donc n'hésitez pas à les diffuser. Alors maintenant que j'ai fait ce rappel, je commence par l'introduction de nos membres de cette semaine. On a une équipe assez étoffée, sans transition aucune, je vais commencer avec Pierrot. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut tout le monde. MacDav est aussi avec nous cette semaine, salut MacDav. Salut à tous les amis. Hopman America est aussi avec nous. Salut Hopman. Salut tout le monde. En avant Guingamp. En avant les nègres. En avant les nègres. Alexis nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Fulbert nous fait le plaisir d'être présent également. Bonjour Gandalf, bonjour tout le monde. On va parler de ton pays, Fulbert, je te préviens, ça craint. Aïe, aïe, aïe, aïe. Enfin, Derek nous parle aussi depuis son lieu de villégiature. Salut Derek. Oui, oui, oui, salut, salut Gandalf, salut les gars. Désolé pour ma voix en vrac. J'ai prié, j'ai beaucoup prié, l'éther nègre, hein, laudate dominum, laudate negrum. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire. D'accord. Eh bien, écoute, cher Derek, c'est une bonne introduction que cette référence à l'éther nègre que tu affectes particulièrement, puisque tu es aussi évêque émérite de l'église de Négrolatrie. Cardinal. Hein. Cardinal, ah oui, d'accord. Oui, je suis en pleine évangélisation. C'est très bien. Eh bien, écoute, nous avons la première rubrique courrier des lecteurs. C'est un petit courrier, mais c'est une forme d'anecdote qui n'appelle pas beaucoup de remarques. Hein, mais bon, on nous le soumet, je le transmets. Bon, c'est Carlus, me semble-t-il. Clarkus, pardonnez-moi, c'est Clarkus qui nous écrit. Voici ce qu'il nous dit. « Alors, aujourd'hui même, j'ai assisté à un mariage, milieu catholique, chic, bonne situation, dans un village de campagne du centre de la France. Tout le monde bien habillé, costume pour les hommes et robe habillée et chapeau pour mesdames. Sur la centaine d'invités, tous blancs, seulement une négresse affublée de son négrillon à la mairie. Tout se passe bien, même si on a du mal à tous rentrer dans cette mairie. Une fois arrivé à l'église, on se retrouve nez à nez avec un curé nègre, avec son djembé et son accent à couper au couteau, qui nous fait une messe en latin, 1h30 à me bouffer les lèvres, à ronger mon frein, à ne pas pouffer de rire devant ce singe qui s'agite comme un damné et tape comme un sourd sur son tam-tam, comme un sorcier en transe. Certains dans l'assemblée étaient sidérés. Célébrons ensemble le dieu nègre. J'ai écouté votre dernière émission sur le retour pour me calmer. C'était Clarkus qui nous fait cette remarque. Eh bien, écoute, Derek, loué soit l'éther nègre. Ouais, loué soit l'éther nègre. Putain, le djembé, hein. Alors là, c'est la première fois que j'entends parler d'un prêtre avec un djembé. Moi, j'ai fui les messes. Quand il y avait des mecs avec des sourires d'abrutis qui jouaient de la guitare dedans. Oui. J'avais envie de les étrangler. Bon, bref, j'ai dit, bon, on va tuer personne, c'est pas la peine. Hein. On reste à la maison et tout va bien. Vous me foutez, moi, un nègre. Curton nègre qui fait du djembé. 1h30 messe en latin, ça va, c'est la messe en latin. Et ça donne, ouais, quoi, ça donne quoi la messe en latin avec l'accent nègre? Entre le wolof et le latin. Je sais pas, j'ai entendu des gens parler des langages du sud de l'Europe. Enfin, des gens, non, des nègres. Ça ne dépareille pas de leur sabir habituel. Hein, d'accord, ouais. Ouais. Ouais. In nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti. Oh putain. Excusez-moi pour cette petite digression orale et linguistique. Bah, Sancti, l'a présenté comme ça, ça fait presque le nom d'un prêtre nègre en fait. Hein, c'est vrai, hein, ça. Le mariage, messe en latin, 1h30, le nègre en djembé avec un. Oui, possédé comme un diable, ça doit être quand même quelque chose. Hein. La vache, ouais, ça c'est... Moi, il y a le fameux sketch de Dieudonné qui s'appelle « Raciste anonyme » où il joue le rôle d'une infirmière qui s'en remet à Dieu parce qu'elle elle a que des collègues d'Afrique ou des Antilles, compagnie. Et elle tombe en syncope au moment où elle découvre que le nouveau prêtre de la paroisse est le prêtre Nestor Mbilou. Donc, Voilà, bon bah ça nous donne matière à réflexion sur l'éther nègre. Quelqu'un d'autre sur cette voilà, bon, c'est anecdotique, hein. C'est vrai que bon, on est quand même maintenant très très au fait. Je sais pas si on est parlé de cette histoire de prêtre nègre, là, violeur compulsif là du nord de la France qui s'est fait attraper il y a peut-être 3 semaines, 1 mois. Non, on n'a pas parlé de cette histoire. Je sais plus, mais enfin bon, attention, hein. Alors mes amis, sinon. Je vous propose de passer à la rubrique numéro 2, autisme radical. Cette semaine, je dois dire que celui qui m'a particulière, ça pourrait être la rubrique Dimi aussi, mais autisme radical, c'est bien, quand même, ça colle. C'est Benoît Hamon, qui s'engage contre l'extrême droite, plus que d'habitude, quoi. Donc, Benoît Hamon est en campagne électorale, hein, vous savez, alors pour ceux qui ne connaissent pas Benoît Hamon, je pense que vous connaissez, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est en fait un dissident du Parti Socialiste, entre guillemets, qui a essayé de lancer son propre mouvement, qui s'appelle Génération. Bon, voilà. Je crois qu'il est crédité actuellement dans les sondages entre 2 et 3% des intentions de vote, et il a aussi été candidat malheureux, me semble-t-il, pour le Parti Socialiste lors des élections présidentielles. Je crois qu'il a battu Valls, hein, me semble-t-il. Hein. Je crois pas me tromper, mais je pense que c'est ça. Hein. Non, mais oui, il avait battu Valls dans les primaires. Aux primaires, et, ouais. Et il s'est fait laminer à l'élection, enfin, l'élection présidentielle. C'est ça, c'est faisant ça. 6%, alors que François Hollande en faisait 4 fois plus, au moins. D'accord, ouais. Donc voilà, donc il persiste, et donc il a tenu à envoyer un message très clair à Robert Ménora. Non, Robert Ménard. Excusez-moi. Je me trompe, c'est temps pour moi. Donc il a envoyé un message très fort à Robert Ménard pour dénoncer donc la dérive droitière à Béziers. Et Benoît Hamon s'est rendu à Béziers. Et il a fait une petite vidéo. Je vous laisse l'écouter et on se retrouve. Bonjour, on est aujourd'hui à Béziers, je suis avec Naïm Acharaï. Alors, Naïm Acharaï est élu de Bordeaux. Et Robert Ménard, le maire d'extrême droite de Béziers, lui fait un procès parce qu'elle a dit de lui, la vérité, c'est qu'il avait été condamné pour incitation à la haine raciale en première instance. Mais comme il y a eu une décision qui a été cassée en appel, il lui fait un procès pour diffamation. C'est pas le plus important. Le plus important pour Naïma et pour moi, candidat sur la liste Génération, c'est de dire que derrière ce kebab que n'aime pas Robert Ménard, puisqu'il trouve qu'il y en a trop à Béziers, il trouve que c'est là une forme de remise en cause de ce que serait le patrimoine civilisationnel de la France, lui qui se place dans l'héritage judéo-chrétien de notre pays. Il fait la guerre au kebab, mais derrière la guerre au kebab, il fait surtout la guerre à une population qu'il n'aime pas, des Français, des étrangers, dont ils n'aiment pas la culture, dont ils n'aiment pas l'apport qui est le leur à la France, et pour laquelle nous on veut se battre, parce que face à ces idéologies qui divisent, ces idéologies qui sont nauséabondes et qui ne peuvent déboucher que sur de la violence et de la sottise, cette sottise elle est toute incarnée dans le mandat de Robert Ménard, nous voulons unir les Européens, mais aussi unir les Français autour de projets justement, sont des projets politiques qui rassemblent, autour parfois aussi d'objets culinaires comme celui-là. Mais je voudrais juste rappeler à Robert Ménard que le couscous est le plat préféré des Français, et qu'il faudrait aussi qu'il bannisse le couscous de sa ville, et que quand on en est arrivé aujourd'hui à expliquer qu'il ne faut pas manger de kebab pour être un bon Français, c'est qu'on est vraiment, vraiment le dernier des derniers. Ah, le couscous, c'est le plat préféré des Français. Oui. Ah oui, oui, bah oui, ça c'est une ancienne. Alors bon, il veut réunir, dit-il, les Français sur un projet qui rassemble, donc il veut réunir sur quelque chose qui rassemble, d'accord, plutôt que d'avoir des idéologies qui divisent, et il dit qu'il veut défendre cette France-là, hein, la France des étrangers, dit-il, la France du kebab. Alors, c'est un sujet intéressant, ça, le kebab, mais on va d'abord s'arrêter sur le personnage d'Hamon et en fait le message qu'il envoie. Bon, je crois qu'en fait, il avait été appelé pendant l'élection présidentielle, ce garçon, enfin surnommé Bilal Hamon, et sur les réseaux sociaux, et en fait, il avait repris et revendiqué le fait, ce surnom. Enfin, il avait dit, oui, moi, je suis très fier de me faire appeler Bilal, ça me va très bien, c'est un très joli nom, etc. Donc, Bilal, le muezzin du prophète. Donc, Bilal Hamon s'est fait connaître à la présidentielle comme étant quelqu'un qui faisait du démarchage agressif en direction des populations immigrées, essentiellement maghrébines, arabo-musulmanes, hein, très essentiellement, et là, en fait, il continue sur sa lancée, donc c'est pratiquement le candidat des musulmans, voilà. Et donc, il a dit, voilà, ceux qui n'aiment pas le kebab sont des ennemis de la France, apparemment, de la France du futur, ou du présent. Et donc, voilà, il est allé sur les terres de Robert Ménora, lui dire qu'il aime beaucoup le kebab. Donc, finalement, on a une confrontation entre Israël d'un côté, l'Algérie de l'autre. Je sais pas si vous avez fait gaffe dans la vidéo, alors, c'est pas visible, elle s'exprime pas. Vous avez une espèce de grosse Algérienne avec sa gueule satisfaite d'elle-même, absolument insupportable, d'une vulgarité qui transpire à chaque seconde de visionnage. Alors, je vais simplement vous solliciter. Hein, voilà. Qu'est-ce que ça vous a dit que de voir Bilal Hamon lancer le djihad pro-kebab? Alors, c'est vrai qu'on en parlait un peu avant l'émission, mais perso, je pense que Bilal Hamon essaie juste de viser une performance pas trop ridicule aux européennes. Donc, il est en train finalement de prendre corps par rapport à la caricature qu'on avait du PS, à savoir, draguer les immigrés. Donc lui, maintenant, il le fait plus ouvertement. Comme Valls le faisait avec les Juifs, lui, il fait ça envers les Arabes. Et puis, il espère faire ses 5%. Je crois que c'est ça, faire 5% pour être remboursé. Et maintenant, il se cache plus trop, quoi. De toute façon, le PS est mort. Bon, il est dissident du PS, mais les gens l'assimilent encore au PS, de toute façon, dans leur esprit. Et puis, faut bien qu'il essaie de survivre un peu, quoi. Vu que plus personne vote PS, peut-être que les Arabes... va savoir. Les Arabes et les Turcs. Quand tu regardes dans la vidéo, t'as un turc, quoi, un kebab. Alors, c'est tenu par des maghrébins, quand même, c'est souvent. À côté, t'as un chicken. Donc, ça, c'est pour les nègres. Hein, les nègres raffolent du poulet. Enfin, évidemment, c'est pas du poulet basquez. Hein, c'est pas du bon poulet de qu'on trouve dans l'Ain. C'est un peu de la merde. Enfin, c'est du KFC. C'est voilà, quoi. C'est de la nourriture d'esclave. Et à côté, t'as un Libanais. Donc, voilà, quoi, c'est la France. Et pour une fois que Robert Ménora avait dit quelque chose de très juste, il dit qu'il y a que des kebabs en ville. Et je pense que c'est la même chose à Béziers. Et moi, je suis qui aime bien la bouffe, voir que des kebabs, bah, ça ne me réjouit pas trop. Derek. Il faut signaler quand même que cette scène a eu lieu en plein Ramadan. Oui. Sous le coup de midi. Donc, Benoît Hamon ou Bilal Hamon, ce que vous voulez, est allé faire bouffer du kebab à une Algérienne de Bordeaux, enfin bon, c'est une espèce de machin, on ne sait pas trop quoi. Il est allé lui faire bouffer du kebab en plein Ramadan. Au niveau de la communication auprès des musulmans, c'est zéro. C'est le type. Attends, Derek, c'est des musulmans laïcs et patriotes. Oui. Et bon, socialistes. Mais les types qui votent, ils sont tous sauf laïcs et patriotes. Hein, ce type-là a voulu se faire mousser. Tu remets en cause le patriotisme des Algériens, oui, mais... comment ça? Les OS1, OS2 qui ont fait la France. Tous rires vers l'Algérie. Non, mais enfin. Bon, mais quand bien même le type aurait voulu faire de la grosse ficelle, c'est à dire, tiens, moi je bouffe du meilleur kebab, etc. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est éloigner une musulmane de fait, de sa religion, en lui faisant bouffer du kebab. Donc, voilà. À revoir. Si. Oui, c'est fake. Ce type-là pue la loose, quoi, de manière. Il pue la loose. C'est navrant, ça navre moi, même moi. Je dis, bon, avec sa gueule, il y a un bec quand même, il y a quelque chose, hein, un crochet, des oreilles. Je précise qu'il vient de Brest. Oui, j'aurais dit, enfin bon, il y a un teint qui est verdâtre, un poil très noir, et tout. Oui, moi T'es sûr que c'est pas un breton qui vient du sud de l'Espagne, hein? Ah, il y a quelque chose, hein, De l'Est, de l'Est très loin. Très loin, l'Est. Mais putain, ouais, c'est cette gueule plus ce forcing. Vraiment. C'est du forcing, non, mais c'est vraiment du nul. Forcing. Ouais. Et nul, c'est nul, c'est nul. Je sais pas si vous avez vu les réactions sur Twitter, elles sont juste jouissives, parce que bon, vous avez des gens d'extrême droite qui le taclent gentiment, et encore d'extrême droite, bon, quand on est de notre bord, enfin, quand on est d'extrême droite, et qu'on utilise le mot fascisme, en fait, ou nazi, pour dénigrer soit les musulmans, soit les gens de gauche, ou quoi que ce soit, bon, arrêtez de suite, quoi. Mais moi, celle qui m'a fait rire, c'est Zora Bitan. Vous connaissez Zora Bitton? Ouais. Sur AMC. Ouais, donc là, elle est en train de tacler Benoît Hamon. Bon, bien sûr, elle représente une frange dont on ne veut pas plus, hein, mais elle le tacle. Votre vivre ensemble est caduque et plein d'hypocrisie. Il mange des kebabs, c'est suffisant pour être de gauche. Moi, je me réjouis véritablement de voir cette gauche se cannibaliser. C'est formidable. Mais ils n'auront rien. C'est terminé cette époque où ils pouvaient avoir quelques votes de musulmans. C'est terminé. Je veux dire, qu'est-ce que les Maghrébins vont se déplacer pour les Européennes? Qu'est-ce qu'ils en ont à secouer des Européennes? Ça les concerne pas. C'est pour ça que Mélenchon va faire un score assez faible. C'est parce que les techs n'ont strictement rien à secouer de l'Europe. Bien sûr. Bah, et pour une raison évidente. Enfin, je veux dire, tu dis Européenne à un Maghrébin, il s'en fout, quoi. Enfin, ça lui parle pas, quoi. C'est bien logique. En revanche, non, mais de toute façon, le premier parti musulman de France, c'est Macron. C'est La République En Marche. C'est lui qui tient les cordons de la CAF. Il est très généreux. Il envoie tous les signaux nécessaires à comment la population immigrée musulmane. Donc, il n'y a pas de problème. Enfin, ils ont bien compris que Macron était le principal défenseur des musulmans de France. Donc, bah, y a une liste là qui s'est créée, je crois. Oui, mais c'est spécial. Oui. C'est vrai, oui, ça existe. Mais ça marche jamais. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne contrôlent pas l'accès à l'État-providence. Et les Arabes, ils s'en foutent. Je veux dire, ils sont pas bêtes. Je veux dire, ils préfèrent caler des Maghrébins ou quelques Noirs musulmans dans des parties du système dont ils savent qu'ils seront élus, qu'ils vont effectivement aller dans les mairies, qui vont aller dans les conseils généraux, les conseillers, enfin départementaux maintenant on dit, ou régionaux, et qui vont voter l'échec, etc. Donc ils sont pas fous, quoi. Pas besoin de se casser la tête à créer un parti musulman, machin. Ça sert à rien, ça. Mais les Arabes, c'est pas spécialement des grands intellectuels, quoi. Non. C'est pas forcément des gens qui sont en train de bander face à une idéologie, par exemple le socialisme. Finalement, comme tu disais, Gandalf, Macron, c'est mieux que le socialisme, c'est l'application du socialisme. Dans tous les cas, La République En Marche aura des places, et donc, bah, ils feront ce qu'ils ont fait, bah, comme les autres prédécesseurs, ils vont donner du pognon à la CAF, et puis, c'est tout ce que... Finalement, si tu veux faire voter un Maghrébin, bah, tu lui promets du pognon, et puis c'est réglé, quoi. Bah, bien sûr, non, mais il faut lui promettre, et puis il faut avoir le... Parce que bon, le Maghrébin, le nègre, il est bien con, mais tu as beau lui promettre la lune, il voit ce qui est plausible ou pas. Et voilà, ces gens-là votent pour ce qui va au final leur apporter le plus. C'est-à-dire ils votent pour le type qui aura au plus le robinet de subsides. Ouais, en fait, l'électorat type de Hamon, c'est la femme fonctionnaire de plus de 50 ans. Je crois que ça doit représenter quelque chose comme les plus des deux tiers de son électorat. C'était has-been. Mais sans vouloir défendre les nègres et les bigots, pour moi, l'électeur moyen français, il vaut pas mieux. Hein. Regardez ce nombre de boomers, de fonctionnaires qui votent en fonction de leurs propres intérêts. Bon, c'est pas ici que je vais vous l'apprendre que la démocratie représentative, le vote, c'est les chiottes, quoi. Alors par contre, je voulais m'arrêter aussi sur un autre point là, plus trivial. C'est le kebab, la kebabisation des rues françaises, ça c'est un vrai phénomène, c'est-à-dire que là où arrive un bougnoul, ouvre un kebab, hein. C'est fatal ça, hein. C'est pas rien de le dire, et c'est vrai que c'est une... Bah, finalement, oui, maintenant il y a quoi? Il y a le McDo, le Burger King, et puis ça quoi, hein, voilà, c'est... Le KFC. Voilà, c'est ça, oh, putain, ouais. Une pizzeria ça, ici ou là, et voilà quoi. C'était quand même mieux quand c'était le type dans son vieux camion là, des années 1900, tiens, moi j'avais un pizzaïol, son camion il datait de 1906, le truc. Là. Il faisait les pizzas au feu de bois, voilà, ça, c'était génial. C'est un vrai marqueur physique, dans une ville, de voir des kebabs. Si vous voyez des kebabs, vous savez que la ville, elle est rongée. Vous savez qu'elle est rongée. Alors, Hopman, il voulait prendre la parole. Alors... Faut dire que les bicots, là, ils sont aidés aussi par la fiscalité et par les façons dont on peut créer des entreprises en France quand on est au chômage. Parce que les mecs, souvent, les kebabs, ça tourne, en fait, les enseignes. Donc les gars, ils ouvrent, ils ont des avantages parce qu'ils ont ils sont au chômage dû, ou alors ils ont des aides pour créer leur boîte. Et puis après, ils font faillite 3 ans plus tard lorsqu'ils doivent... commencer à payer des charges, en fait, ils ont eu des dégrèvements au départ, ou alors ils font carrément du blanchiment d'argent, hein. Ça c'est très connu, quoi. À côté de ça, t'as le mec qui lui est sérieux et veut veut ouvrir véritablement un petit boui-boui, enfin boui-boui, veut ouvrir son food truck et compagnie. Moi, une fois, j'avais voulu le faire, j'avais une super idée pour ouvrir un food truck près d'une fac. On m'avait dit « Oui, d'accord, alors pour ouvrir ça, bah, écoutez, vous nous rendez un dossier. » En gros, c'était une lettre de motivation plus un dossier hyper béton. Il fallait limite que je fasse un mémoire pour pouvoir ouvrir un food truck, quoi. Et tu te dis, il y a vraiment deux poids, deux mesures en France au niveau de la création d'entreprise, quoi. C'est indubitable. MacDav. Ouais, ouais, tu parlais de la kebabisation des rues, mais... Je crois que Ménard s'était prononcé justement pour éviter qu'il y ait des kebabs partout, parce que je ne sais pas comment font les kebabs pour vivre, mais il y en a vraiment partout, de chez partout. C'est du blanchiment d'argent. Ouais, ouais, puis c'est... Bah, déjà, ça vaut rien aussi. Ça ne vaut que dalle à faire un kebab. Je crois que ça doit valoir quelque chose comme moins d'un euro. Tu vois, c'est des frites dégueulasses, cuites dans de l'huile dégueulasse... Ouais, ouais. La broche, on sait même pas ce qu'il y a dedans, dans la broche de viande, c'est de la viande reconstituée. C'est vraiment de la malbouffe, mais je pense que même McDo, c'est beaucoup plus qualitatif et au moins, c'est peut-être un peu plus contrôlé au niveau des normes sanitaires que ces trucs dégueulasses. Ça, c'est certain. Alors, pourquoi ça fleurit partout? Bah, c'est simple, c'est parce que, en fait, l'argent de la drogue est blanchi de cette façon, en fait, par les réseaux maghrébins, turcs et autres. Hein. C'est un moyen commode, en fait, de blanchir du blé, tout simplement. Donc, je veux dire, C'est super commode, hein, tu m'étonnes. Voilà, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a une telle spirale et vous vous retrouvez avec des rues, avec ces trucs dégueux. En plus, ça pue, parce que ça pue, il y a pratiquement rien qui pue plus qu'un kebab. Et voilà. Et en plus, alors il y a, je vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, c'est un vrai symptôme. C'est un vrai symptôme. Je l'ai vu dans des endroits invraisemblables. Hein. Je l'ai vu dans des endroits invraisemblables. Dans des villages, il y avait pratiquement pas d'étrangers. Il y a un Turc qui se ramène. Il ouvre un kebab. Je veux dire, c'est quand même fascinant. C'est quand même fascinant. Donc. Puis en plus, les Turcs ont une façon de s'organiser un peu à la chinoise avec un système de tontine, ouais. Où en fait t'as carrément le réseau qui met de l'argent pour que le filleul puisse ouvrir sa boutique, ce que les comptes français sont totalement incapables de foutre vu qu'ils sont beaucoup trop individualistes. C'est ça, tout à fait. Comment dire, Pierrot voulait prendre la... Si Pierrot voulait prendre la parole, me semble-t-il. Ouais, ouais, c'est vrai que quand on parle du McDo, je me sens beaucoup plus rassuré de bouffer dans un McDo, par exemple, parce que je sais qu'au niveau des normes d'hygiène, McDo, tu vois, c'est une franchise. Si jamais t'as un souci dans un McDo, ça leur fait une très mauvaise pub pour tous les McDo. Alors que les kebabs sont pas forcément liés, c'est pas grave si jamais il y en a un qui est, je sais pas, en galère, alors que l'autre il se tient bien, quoi. Sinon, je voulais juste revenir sur l'histoire des magouilles que font les mecs qui tiennent les kebabs. Comme l'a dit Captain, ils s'en servent pour blanchir du fric, c'est évident. Ils ont des avantages, du coup, à être propriétaires de leur commerce. Ils ont des prêts plus facilement, ce genre de trucs. Et surtout, moi, je parle au niveau des Turcs, une communauté que je connais malheureusement très bien. Ils s'en servent surtout pour avoir des papiers. C'est-à-dire que le mec, il est propriétaire de son kebab. Il peut justifier une activité professionnelle légale. Et du coup, si jamais il n'est pas citoyen français, bah, ça l'aide pour son dossier. Et en plus, dans les faits, il y a un turnover qui est assez incroyable. C'est-à-dire que sur le papier, alors je dis pas que ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie, et ben en fait, il y a plusieurs personnes qui sont mises à contribution dans l'activité légale, et du coup, il y a plusieurs personnes qui peuvent après avoir la nationalité, alors que dans les faits, bon, il n'y a pas des contrôles tous les jours non plus, quoi. Et c'est pour ça que ça tourne beaucoup entre eux. Posez-vous la question d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas de tourner comme ça entre eux, c'est jamais la même personne derrière? Bah, c'est aussi pour ça. C'est vrai, c'est juste. Alors bon, bah bonne chance à Bilal Hamon, hein, pour sa reconquête de l'électorat islamique. Moi, je lui conseille franchement, s'il veut que ça marche, de se convertir à l'islam. Je pense que quand même, à un moment donné, faut être un peu quoi. Moi, c'est ce que je le dirais. Je lui dirais, écoutez, monsieur Hamon, pourquoi pas, vous prétendez défendre la France multiculturelle, diverse, etc. Vous essayez de parler clairement à la partie islamique de l'électorat. Bah, soyez un peu courageux, arrêtez de faire de la démago et coupez-vous la bite et allez faites votre prière 5 fois par jour. Et t'es sûr que c'est pas déjà fait, ça? Bah, je pense que c'est pas fait, parce que malheureusement, en fait, cette espèce d'hypocrite doit passer son temps à se gaver dans des bons restos, voilà, avoir le train de vie d'un, en fait, d'un bon bourgeois français. Ah, mais voilà. C'est la démagogie. Mais c'est ça. C'est-à-dire du kebab que... à 5 euros, quoi. C'est ce ça, type-là bien sûr. À bouffer au frais du contribuable pendant des années dans des restos, avec des notes de frais phénoménales, hein, parce que ce qui bouffe le mieux en France, c'est les politiques. Hein, la meilleure cuisine de France, c'est la cuisine du Sénat. Et la meilleure cantine de France, c'est celle du Sénat. Donc, c'est le. Mais vraiment, la démago du socialiste, quoi. Va mourir en enfer. Que le chétan te maudisse, tu vois. Alors, les amis, je vous propose de passer à la rubrique numéro 3. On va faire une plongée dans la dégénérescence, la rubrique numéro 3, dégénérescence. Il y a toute une série de sujets. On va se focaliser, en fait, sur cette espèce de maladie qui se répand malheureusement très, très, très vite maintenant. Franchement, on le voit, hein, là, ça va très vite maintenant. Hein. Là, en 2-3 ans, la maladie LGBT, on a parlé de la kebabisation, on va parler un petit peu maintenant de la LGBTisation. Alors, je sais qu'il y a LGBTQI, donc pour être vraiment orthodoxe, il faudrait dire la LGBTQisation, voilà, de la société, par le haut. Voilà. Et donc, on va faire une petite revue de presse, là, juste de cette semaine, pour vous montrer à quel point c'est vrai, et à quel point c'est délirant, il n'y a pas d'autre terme. Alors, d'abord, aux États-Unis, pour vous montrer quand même à quel point ces gens qui se revendiquent donc, du LGBTisme sont en excellente santé mentale, c'est un article que j'ai trouvé dans The New York Post, et que je vous livre tout de suite, avec force détail, technique. Alors, une femme trans a subi une reconstruction vaginale en utilisant la peau d'un poisson tilapia, après que ses organes génitaux se soient progressivement réduits suite à une opération de chirurgie bâclée. Selon les chirurgiens, Majou, 35 ans, aura la chance d'avoir une vie sexuelle normale, entre guillemets, et un supplément de confiance en soi grâce à la peau de la créature. Lors d'une opération de 3 heures, la procédure très complexe, appelée néo-vaginoplastie, a utilisé un moule en acrylique de forme tubulaire recouvert de la peau du poisson d'eau douce qui prend la forme d'une prothèse biologique afin de reconstruire le canal vaginal. Le processus implique l'insertion de 2 moules distincts afin de créer le nouveau vagin. Le premier instrument, monté avec la membrane marine, est incorporé à l'intérieur du vagin pour une période de 6 jours. Au contact du corps du patient, la peau du poisson stérilisée et sans odeur dispose de cellules dotées de propriétés de croissance. Elle est riche en collagène de type 1, une substance qui aide à la guérison et qui a la fermeté et l'élasticité d'une peau humaine. Attachée, la membrane du tilapia recouvre les parois du canal vaginal de la même façon que des cellules de souche. Celles-ci sont absorbées par le corps, qui les transforme en tissu cellulaire similaire à celle d'un véritable vagin. Le second instrument, fait de silicone et décrit comme un gros tampon, est dessiné pour rester dans le vagin pendant 6 mois afin d'empêcher les parois de se refermer. Le professeur Leonardo Berzera a indiqué donc aux médias Focus on News « Nous avons été capables de créer un vagin d'une longueur physiologique, à la fois en épaisseur et en l'élargissant, et le patient a très bien récupéré. Elle marche avec facilité, n'a pas de douleur et urine normalement. Dans 2 mois, nous pensons qu'elle sera capable d'avoir une relation sexuelle. Cet instrument peut être enlevé après cette période à chaque fois qu'on le désire. » Donc en fait, c'est un vagin qu'on peut remettre et enlever. C'est comme une espèce de prise, je ne sais pas comment dire. On le met, on l'enlève, voilà. Quoi. Il faut juste créer le canal pour recevoir donc, ce vagin artificiel. C'est assez fascinant, je dois dire. Donc voilà, donc, Maju, 35 ans, pourra avoir une relation sexuelle normale avec de la peau de poisson. Alors les amis, qu'est-ce que ça vous inspire? Franchement, il n'y a que des fascistes qui pourraient voir une forme de dégénérescence, soyons très clairs. C'est plug and play voilà, c'est ça. Alors, qui voudrait réagir à ce petit truc-là, ce progrès? C'est un progrès, hein, on est dans le progressisme, là. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tout ça est cachère? Alors, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Je pense qu'à terme, on peut obtenir une certification cachère. Est-ce qu'on peut envisager de se servir des... en tout cas, nous, pas nous, mais les Japonais surtout, est-ce qu'on peut envisager de se servir des travelots comme, comme source de sashimi. À tes risques et périls, cher Derek. Moi, j'irai pas en bouffer. Oui, non, mais moi, mes risques, non, moi non. Mais bon, certains peut-être. Oui, peut-être certains. C'est vrai. C'est une, c'est une option. Dire, c'est une option. En tout cas, bon, bah, je constate avec puis vous, avec moi, que un nouveau marché s'ouvre. Parce qu'il faut voir aussi l'aspect économique, hein, et nous allons avoir toute une vaginoplastie. J'ai découvert le terme. Non, ils disent néo-vaginoplastie. Néo-vaginoplastie. Avec tout un tas de transsexuels. Comme le nazi. Alors, je voudrais aussi indiquer à nos auditeurs, qui sont très probablement pour la plupart des contribuables, que bien évidemment, quand ça va arriver en France, ça sera couvert par la sécurité sociale. Hein. Ça ne me fait pas l'ombre d'un doute. Oui, bah oui. Oui, pour un confort. Ah, je ne sais pas. Ah, Hopman a des doutes. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette athlète grecque qui avait été virée des JO il y a de ça environ 10 ans ou un petit peu moins. Parce qu'à l'époque, elle avait dit en fait, il y avait eu une vague de migration de moustiques, en fait. Et elle avait dit en plaisantant que ces moustiques venant d'Afrique seraient ravis de trouver leur nourriture habituelle, c'est-à-dire les athlètes nègres, en fait. Et à cause de ça, elle avait été virée. Vous vous souvenez de ça ? Je crois que je me rappelle effectivement d'une athlète qui avait été virée, ouais. Mais je me rappelle plus quand et dans quelles circonstances. Mais oui, ça me rappelle quelque chose. Ah, je sais plus qui c'était, mais c'était une Grecque, bon, qui avait voulu faire un trait d'humour et c'était pas du tout passé. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que maintenant, on a la boucle est bouclée, en fait. Les nègres sont venus, les moustiques sont venus, et puis maintenant on a les travelots européens qui se font réparer, qui se font créer une chatte à partir de la nourriture normalement locale des nègres, c'est-à-dire le tilapia. Je veux dire, heureux comme un nègre en Europe. Ah oui, tu veux dire qu'en fait, oui, tu veux dire qu'on peut utiliser la peau, les restes en fait, laissés par les nègres pour refaire les vagins artificiels des travelots du bois de Boulogne, en fait, c'est ça que tu veux dire? Ah bah oui, oui, concrètement, voilà, je veux dire, les travelots qui se font greffer une chatte, enfin une fausse chatte, bon bah écoutez, voilà, vous êtes créés avec le reste des caca nègres, à vos souhaits. Ouais, c'est compliqué quand même, enfin bon, comme ici on a un peu des, bon, on est un peu réactionnaire, hein, on a peut-être un peu du mal à percevoir toute la dimension progressiste de l'initiative. En tout cas, c'est un sujet qui reste ouvert, mais je voulais quand même m'ouvrir auprès du public de ces nouvelles avancées techniques, hein, notamment chirurgicales. Je pense que ça valait le coup. C'est une prouesse. Alors bon, si tu me permets, Gandalf, oui. Mais, qu'en est-il de l'intersexualité des luttes? Parce que là, on touche au transsexualisme et au véganisme. Exact. L'exploitation exact. De ces pauvres sashimi vivants que sont les tilapies. On va en arriver à avoir des manifestations de végans qui vont aller buter des travelots. Je suis pas sûr parce qu'ils vont peut-être dire qu'à ce moment-là, dans la mesure où c'est pour libérer sexuellement des femmes oppressées, ce n'est peut-être pas. Parce que je dirais ça. Je te rappelle. Tu auras des espèces. Permets-moi quand même de te faire observer que les végans ont été particulièrement clairs, notamment en Suisse, sur cette question. Ils ont dit non, il est hors de question pour nous d'attaquer des boucheries halal parce que les musulmans sont une population opprimée. Voilà, donc... Non, mais c'est, t'es sûr que c'était pas plutôt parce que c'était une population animale? Non, c'était parce que c'était ils étaient opprimés par le capitalisme, l'Occident, colonialiste, raciste, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est bon, oui, vous pouvez égorger des moutons dans vos baignoires, très bien. Et dire que j'étais prêt à voter pour le parti animaliste, pour les européennes, non, en fait, quoi. Ah bah, s'ils ne sont même pas foutus de défendre l'intérêt des tilapias, je vois pas pourquoi ils auraient ma voix. Tout à fait. Alors... Je vous propose de passer maintenant, dans cette rubrique dégénérescence, au point numéro 2 de notre discussion, et là, on va aller à Bruxelles. Vous savez, c'était, je crois, la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie, la lesbianophobie, la tout plein de phobies, dont nous souffrons malheureusement, je dois dire. Donc, il y avait une marche, des milliers de personnes se sont rassemblées. C'est la journaliste Lucille Chaussois qui nous en fait part sur son compte Twitter, là. Il n'y a pas de contenu audio, Mais voici ce qu'elle nous dit dans un tweet en date donc du 19 mai. L'association Trans Kids se prépare pour le grand défilé de la Belgian Pride, donc la Gay Pride organisée donc au niveau belge à Bruxelles. C'est la première fois, dit-elle, que les enfants transgenres se regroupent pour revendiquer leurs droits. Alors je vois effectivement une très belle banderole bleue et rose avec marqué Trans Kids Need Love Too, donc c'est-à-dire les enfants transsexuels ont besoin d'amour aussi. Je dois dire que je ne vois pas d'enfants en fait derrière la bannière, en fait il n'y a pas d'enfants du tout. Je vois par contre des adultes avec des faciès très curieux revendiquer donc le droit pour les enfants d'être des transsexuels. Alors je ne savais pas que les gamins de 7 ou 8 ans avait déjà des problèmes de, je veux dire, de sexualité, enfin apparemment oui, si. Avant même. Oui, avant, tout à fait. Et donc, voilà, transidentité, Bruxelles, Belgian Pride, voilà, Transkids. Alors, je vous sollicite les amis, l'homosexualité, bien sûr, la transsexualité aussi fait partie du kit de l'idéologie officielle dans le monde occidental et en France, voilà, ça c'est plus contestable. Si vous le contestez, n'oubliez pas que vous êtes passible de la 17e chambre au titre de la loi contre les discriminations, et donc c'est un an de prison qui vous attend, hein, si vous remettez tout ça en cause. Maintenant, on passe à la nouvelle étape, qui est très clairement, alors non seulement la pédophilie, hein, donc la sexualisation des enfants, mais pas uniquement, hein, c'est de transformer les petits garçons en petites filles. Hein. Voilà, ça c'est le nouveau programme. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Alors dans les rues de Bruxelles, le plus officiellement du monde, hein, c'est pas du tout occulte, caché, interrogatif. Hein, là, c'est bannière déployée en plein centre de la capitale de l'Union européenne, quand même. Voilà. Alors là, j'ai peut-être demandé d'abord à Fulbert de réagir, parce que c'est quand même un peu par chez toi, Fulbert, me semble-t-il, que voilà, c'est bien que je commence par toi. Ah bien oui, mais écoute, géographiquement, c'est près de chez moi, c'est vrai. Je tiens quand même à m'élever à propos d'une interprétation de l'événement. C'est-à-dire que Bruxelles, ça a été la capitale de la Belgique. Ça l'est sans doute encore un peu, mais c'est surtout la capitale de l'Europe. Ce qui veut dire qu'on voit là-bas des tarés qui viennent de... C'est pas nécessairement des tarés belges. On voit des tarés qui viennent de partout en Europe et même sans doute parfois de l'extérieur de l'Europe. Et ils se retrouvent fatalement à la capitale de l'Europe. Hein, bon voilà, je tenais absolument à signaler ça quand même, même s'il y a dans la population belge aussi une ou deux communautés particulièrement tarées, quoi. Oui, tu voulais défendre un petit peu quand même l'honneur national de la Belgique. Bon, c'est de bonne guerre, c'est bien de le rappeler. Ça me fait bizarre, Fulbert, parce que quand même, c'est la Belgique, c'est quand même là où il y a eu le scandale énorme de l'affaire Dutroux. Ça a quand même marqué profondément la Belgique et même la France. Hein. Ça a eu un écho énorme en France. Et finalement, je pense, dans toute la partie francophone de l'Europe. Je suis, pour le dire franchement, je suis quand même scié de voir que finalement... une vingtaine d'années après l'éclatement de l'affaire Dutroux, à peu près, bah finalement, maintenant, la pédophilie est à l'ordre du jour et ça pose pas de problème, quoi. Effectivement, pourtant, les Belges d'un certain âge n'ont pas oublié, parce que lorsqu'on voit, par exemple, des événements actuels liés à l'affaire Dutroux, comme par exemple, comment dirais-je, la sortie de prison de l'épouse de Marc Dutroux, Michel Martin, qui a été libérée sous surveillance, enfin je connais pas exactement son statut pour l'instant, qui a été logée dans un couvent et puis qui s'est trouvé un logement entre temps. Tout de suite on voit des tas de gens hurler dans les commentaires en dessous des articles de presse, hurler contre Michel Martin. Donc ils n'ont pas oublié. Seulement, ils peuvent pas critiquer les tarés. Ils peuvent pas. Ce qui me laisse penser que Michel Martin n'était pas si taré que ça. Bon, mais les vrais tarés, là, on peut pas les critiquer. Pas plus en Belgique qu'en France ou qu'ailleurs en Europe. Alors rappelons, pour ceux qui sont trop jeunes pour avoir connu l'affaire du trou, ils peuvent se référer à ça sur Google, enfin sur Wikipédia ou autre, hein, pour avoir plus d'informations, que c'est que Marc Dutroux, en fait, était une cheville ouvrière d'un réseau de rapt d'enfants qu'il détenait dans différents endroits, mais notamment chez lui, où il disposait d'une cave secrète, où les victimes vivaient murées, en attendant d'être livrées à un réseau très étendu de pédophilie, ce qui a été nié, puisque on l'a su par la suite, en fait, l'affaire a été étouffée au plus haut niveau, parce qu'en fait, tout simplement, des responsables politiques, des journalistes, enfin des gens de premier plan, étaient impliqués dans ce réseau de consommation d'enfants, de consommation sexuelle d'enfants, et donc on a résumé l'affaire du trou, en fait, à finalement l'histoire d'un groupe de maboules se livrant à ces crimes, mais de manière quand même relativement isolée. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas l'affaire, voilà pourquoi, et en fait, la population belge, avec notamment cette énorme marche blanche qui avait marqué tous les esprits, je me rappelle encore, avait demandé justice et transparence pour savoir qui avait fait quoi. Marche blanche, en fait, qui a reçu un bras d'honneur, en fait, de la part du système. Tu peux peut-être apporter quelques détails supplémentaires si jamais j'étais à grand trait ou si j'avais commis une erreur ou une approximation, Fulbert ? Non, non, c'est très juste. En fait, oui, tu as raison de parler de la marche blanche, parce que c'est pourquoi blanche d'abord ? Quelqu'un l'avait très bien exprimé, c'était la mère d'une des victimes, non pas de Dutroux, mais d'un type qu'on a attrapé plus tard, qui était Fourmiret, et cette dame avait d'ailleurs, lors d'une interview restée relativement célèbre, avait déclaré « Bon, ben, si une marche blanche ne suffit pas, il y aura une marche rouge, donc une révolution. » Mais en réalité, pour ce que tu rappelles, effectivement, il y a, paraît-il, entre 300 et 350 000 personnes qui ont manifesté, qui sont montées à Bruxelles, dans cette fameuse marche blanche. Et là, on sait véritablement l'État, on ne sait pas très bien qui, mais l'État, s'est véritablement moqué de ces gens-là. Parce que ils ont attrapé une adolescente qui s'appelait, si je me souviens bien, Nabella Benaïssa, et qui était une musulmane, vous l'avez compris. On l'a habillée de blanc. Pourquoi le blanc? J'en sais rien. Peut-être pour la marche blanche. Peut-être que le blanc, c'est la couleur du deuil chez les musulmans. J'en sais rien. On l'a habillée de blanc et on lui a fait lire un petit discours où elle demande aux manifestants du calme et de la dignité, discours classique que tout le monde connaît. Et tous les marcheurs blancs, c'est-à-dire les moutons, bah, sont rentrés chez eux apaisés. Et puis ça a été enterré. J'imaginais un petit peu, on attrape véritablement une gamine, qui n'est même pas du cru, et on lui fait lire une petite lettre de merde, et tout le monde rentre chez soi content. Et il y a des gens qui n'ont toujours pas très bien compris. Pour résumer ce que toi tu as dit, à propos de l'affaire du trou, on a voulu faire croire aux gens qu'il n'y avait pas de réseau, c'était l'explication officielle, ce qui voulait dire, quand on résume la chose, que Dutroux était un prédateur sexuel, pédophile, qui employait 4, 5 ou 6 personnes pour rafler des enfants, des petites filles, à gauche, à droite. Il a même aussi raflé deux adolescentes, mais enfin, passons. Et pour ses besoins personnels. Et il y a des gens qui ont cru ça. Ça, c'était l'explication. Il n'y a pas de raison, mesdames et messieurs. Rendormez-vous tranquille. Donc tout ça, c'est pourquoi je souligne cette affaire-là, c'est que normalement dans un pays normal, en fait, déjà Dutroux aurait été pendu au premier lampadaire venu, la traînée qui était avec lui de la même façon, et ensuite on aurait... Ouais. Oui, je me permets de t'interrompre, excuse-moi. Moi personnellement, je pense le contraire. Je pense que Dutroux, il faut surtout pas le pendre, il faut surtout pas qu'il meure. Il faut que Dutroux reste vivant. On ne sait jamais. Il va peut-être y avoir un changement de régime un de ces jours. Et oui, bien sûr, mais tu ne m'as pas laissé terminer. C'est-à-dire que je voulais dire, une fois qu'on aurait attrapé Dutroux, qu'il aurait balancé ce qu'il devait balancer, on aurait mené une enquête, on aurait révélé l'étendue du réseau, Et ensuite, dans l'exécution des coupables, on aurait commencé par Dutroux en place publique. C'est ça que je voulais dire. Mais comme ils ont réussi donc, à étouffer cette affaire, et maintenant, vous voyez, pourquoi j'ai parlé de l'affaire Dutroux et par rapport à cet événement en Belgique qui s'est passé ce week-end. C'est qu'en fait, ces gens-là, qui étaient dans ce réseau, d'abord, ils ne sont pas limités à la Belgique. C'est comme ça dans toutes les grandes démocraties, pour commencer. C'est-à-dire que vous avez des réseaux de gens importants, influents, qui se livrent à ce type de choses, mais qui, jusqu'à présent, faisaient quand même globalement profil bas. Et la façon dont maintenant tous les grands médias forcent le discours LGBT, donc le discours en fait pro-homosexualité, pro-lesbianisme, pro-transsexualité, déjà en soi c'est bizarre. On voit bien que ça vient pas du bas, ça vient pas du peuple, ça vient d'en haut, ça vient des élites, ça vient de la partie de la couche supérieure de la population. Parce qu'une campagne de presse aussi constante, aussi généralisée, c'est pas des petites gens dans leur campagne reculée qui font ça. Donc ce travail de propagande, il vient d'en haut, et c'est une décision qui a été prise à très haut niveau. Mais à très très haut niveau. Et ce que je veux dire, c'est que ces gens-là qui promeuvent ça, donc qui ont donné les ordres et qui répandent cette idéologie-là, en fait, ils ont toujours été là. Et je pense que c'est les mêmes que ceux qui ont étouffé l'affaire Dutroux. Et que maintenant qu'ils se sentent en confiance, parce que finalement ils ont érodé par leur travail de propagande, ils ont érodé en fait les défenses immunitaires et psychologiques du public, maintenant ils commencent à mettre les choses cartes sur table. Et les insanités qu'ils disent maintenant en pleine rue dans Bruxelles, ils n'auraient pas pu les dire il y a 10 ans. Ils n'auraient pas pu dire on va transformer les gamins de 8 ans en petites filles. Écoutez, est-ce que vous imaginez un instant un gamin de 8 ans qui va se dire « Moi, je suis une petite fille et je veux descendre dans la rue derrière une bannière pour revendiquer le fait que je suis une petite fille. » Vous êtes d'accord avec moi, ça ne tient pas la route. Donc cet événement, de par sa planification même, pour planifier un événement de cette nature à caractère politique, ne peut être organisé que par des adultes. Et ne peut être, pour avoir une telle couverture médiatique, que bénéficier du soutien des élites en place, que ce soit politiquement ou médiatiquement. Donc, les gosses là-dedans sont totalement périphériques, en réalité. Donc, quel est le message ? Qu'est-ce que veulent nous dire ces médias ? Ils veulent nous dire la sexualisation des enfants, oui. Mais pas n'importe quelle sexualisation. C'est pas les rapports sexuels entre des enfants. C'est pas de dire, oui, vous savez, en fait, les gamins, ils ont pas une vie sexuelle à partir de 15 ans, ils ont une vie sexuelle à partir peut-être de 14 ans, 13 ans, voilà, entre eux, on sait pas bien, voilà. C'est une question qui doit être ouverte, etc. Non, non. C'est de dire que les gamins, à 8 ans, peuvent être transformés sexuellement pour les besoins de ceux qui organisent ces manifestations. C'est eux qui, visiblement, sont très intéressés par la sexualité des gamins. C'est ça l'aveu du truc. Donc, que ces gens puissent le faire maintenant en public, c'est juste la démonstration du rapport de force actuel. Et ils sont tellement sûrs d'eux que maintenant, ils déroulent le tapis. Et je vous dis, on n'en est qu'au début, ils vont légaliser la pédophilie. Ils vont le légaliser. Bien sûr. Et c'est là où ce que j'avais dit en début prend de l'importance. Ce n'est pas au niveau belge, c'est au niveau européen. Bien sûr. Alors, Pierrot, qui voulait prendre la parole ? Enfin, quelqu'un voulait s'exprimer. Oui, justement. Ajouter une dernière petite chose avant de céder la parole. Pour que ceux qui connaissent un peu l'histoire comprennent bien. Dutroux, je ne le défends pas. Dutroux est un prédateur sexuel, ça c'est certain. Dutroux n'est pas le tueur qu'on a laissé dans l'esprit des gens. Dutroux a tué, assassiné une personne. Dutroux était en prison, et lorsqu'il est libéré, il revient chez lui bien sûr, et là, il apprend que deux petites jeunes filles ont été enlevées, Anne et Fio, je les ai citées, mais qu'elles ont été jugées trop âgées pour les commercialiser, si je puis dire. et ne sachant qu'en faire, le complice qui les avait enlevés les a exécutés. Lorsque Dutroux apprend cela, il s'énerve, sort un pétard et il bute son complice, qui s'appelle Weinstein et qui est de nationalité française. Ça, je crois que c'est un détail qui a échappé à beaucoup de journalistes. Bah, je l'ignorais, moi. Bien, tu vois, voilà. C'est la seule personne qui a été assassinée par Dutroux. Les petites filles sont mortes indirectement de sa faute, bien entendu, mais il savait la maison surveillée. Lui est en prison à ce moment-là, de toute façon. Et il savait la maison surveillée, ses complices également, et sa femme, Michel Martin, n'a pas osé à se rendre dans la maison où étaient raptées les deux petites filles, la Julie et Mélissa, parce que elle risquait évidemment d'attirer l'attention du groupe qui surveillait la maison. C'est pour ça que les deux gamines sont mortes. Mais Dutroux lui-même n'est responsable que d'un assassinat, c'est l'assassinat de Weinstein. Alors, qui voulait prendre la parole suite à tout ça? Ouais. Il y a un truc qui me fait tilter dans cette histoire, non seulement d'un point de vue logique, mais aussi d'un point de vue du vécu, parce que j'ai eu cette discussion-là il y a quelques temps. Et donc, premier temps, dans un point de vue logique. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on a eu ces histoires de... Alors, on a tout le temps ces histoires de consentement au niveau des relations sexuelles, et on a eu l'histoire d'abaissement de l'âge de consentement. Mais surtout, on nous a bien dit, via les médias, que le consentement était primordial dans toute relation, et on insiste sur ça, et limite, dans certains pays, pour qu'on puisse avoir des rapports hétérosexuels en tant qu'homme avec une femme, il faudrait limite un consentement écrit pour qu'après la fille ne puisse pas se rétracter. Bon, on n'est pas là, mais pas loin. Et le truc, c'est que on sait très bien que les enfants sont une catégorie légale qui n'a pas normalement de consentement à donner vis-à-vis de la question sexuelle, puisqu'ils sont censés ne pas avoir de rapport sexuel, et de toute façon, ils ne sont pas en mesure de donner un consentement. Je veux dire, d'un point de vue psychologique, tout le monde est d'accord pour dire que les enfants sont en pleine formation, qu'ils n'ont pas les capacités d'analyse pour ça, et que, de facto, la question ne se pose pas. Oui, oui, je voulais rebondir aussi sur l'histoire que t'as commencé à énoncer, Gandalf, à propos du progressisme, entre guillemets. Le progressisme, il n'a pas de limite. Il faut voir un peu l'historique qu'on a eu en fait à travers la France, quoi. Ça a commencé par le Pax, parce qu'il faut donner des droits aux homosexuels, puis après il faut qu'ils se marient, il faut qu'ils puissent adopter des gosses, puis la PMA, la GPA, les trans, enfin, vous connaissez tout ça. Même la zoophilie, on peut en parler aussi dans certains pays d'Europe, il y a eu des législations qui ont été en fait un peu plus adoucies. Bon, c'est un peu compliqué comme sujet, mais finalement ça s'est passé. Et puis la pédophilie, finalement, bah, c'est la suite logique. C'est-à-dire que si vous mettez pas, enfin, si nous, en tant que citoyens, on met pas de limites claires, eh ben, très clairement, les gauchistes, eux, ils vont en profiter, hein, pour repousser encore les limites. Moi, je voulais revenir sur un petit point, en fait, un petit témoignage d'un mec qui s'appelle Jean-Luc Romero. Donc, c'est un mec qui est au centre droit, qui est un homosexuel militant, qui a le sida d'ailleurs. Et je crois que son mari, parce qu'il faut dire ça comme ça maintenant, son mari est mort du sida ou un truc comme ça. Oui, pour vous dire un peu le personnage. Je voulais aussi préciser qu'il est juif. Et qui est juif d'ailleurs. Saint sida. Petite anecdote. Et ben ce type-là, il avait déjà annoncé tout ça bien avant tout le monde. Au moment du Pax, en fait, il avait une réflexion, bah, celle que je viens d'énoncer, et il l'a révélée finalement après. Ça se trouve sur YouTube, hein, ça s'appelle... Vous tapez Jean-Luc Romero, un mensonge qui ne dérange pas, c'est lui-même qui fait l'interview, et il dit oui, mais en fait, au moment du Pax, nous, on avait déjà tout calculé, en fait, ce qui allait se passer. Christine Boutin avait dit que ça allait être la porte ouverte au mariage homosexuel, etc., etc. Et Romero, il disait, bah oui, nous aussi, on le savait, sauf qu'on évitait de le dire devant les caméras, et puis c'est exactement le projet. Le progressisme, entre guillemets, hein, bien sûr, il ne peut pas avoir de limite. C'est ça, je voulais en venir. Quelqu'un d'autre veut-il ajouter quelque chose? Non. Moi, ce que je dirais, c'est, et on va le voir avec l'exemple suivant, parce qu'il y a un troisième point dans cette catégorie, rubrique dégénérescence. D'abord, c'est de l'ingénierie sociale, donc il faut bien comprendre ça, c'est de l'ingénierie sociale, ce n'est pas du tout quelque chose de spontané, d'organique, qui bourgeonne, au sein du peuple, et tout d'un coup, le peuple se dresse en disant « on veut que les gosses soient des objets sexuels ». Non, c'est un effort des couches dominantes de la société, donc vraiment d'une fraction de ces couches dominantes, et il y a un effort très important qui est fait et qui nécessite beaucoup d'argent, parce qu'une campagne de presse, une seule campagne de presse, faut comprendre ça, ça coûte des millions d'euros, mais une campagne de presse à l'échelle mondiale, d'abord occidentale, mais mondiale, à longueur d'année, pour aller dans cette direction, ça coûte des milliards et des milliards d'euros. C'est pas rien du tout. Et finalement, quand on s'intéresse, c'est ce qu'on a vu notamment avec le mariage gay, parce que les gens parlent d'égalité, vous savez, quand on dit l'égalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire les gens? Les gens se disent l'égalité, c'est tout le monde. D'accord? Quand on dit le mot égalité, sauf que personne ne comprend ce terme-là. Égalité, tout le monde a un réflexe inconscient de se dire, ça concerne tout le monde l'égalité, hein, c'est pour tout le monde pareil. Non! L'égalité, il faut toujours s'intéresser au contexte auquel, enfin, il faut savoir qui la revendique, et ensuite contextualiser. Quand les fiottes demande la légalisation, entre guillemets, du pseudo-mariage entre PD, ça concerne chaque année quelques milliers de pingouins. Faut quand même comprendre ça. Donc ces gens parlent d'égalité alors qu'ils représentent, je veux dire, la minorité d'une minorité. Et ça les empêche pas de mobiliser la toute-puissance du gouvernement. François Hollande, l'ancien président socialiste de la République, était lié, donc, comme vous savez, à Pierre Berger, qui était ce millionnaire de la mode complètement dégénéré, qui d'ailleurs n'était pas tellement homosexuel, mais qui était surtout un scatophile, je vais pas rentrer dans tous ces trucs-là. Enfin, c'était assez crade, mais c'était quelqu'un de très cynique, très pervers, extrêmement pervers, qui aimait beaucoup humilier, bon. Mais il avait un réseau très extensif, qui remontait jusqu'à François Hollande. Et ça a contraint François Hollande à entamer un bras de fer avec, pour le coup, le peuple français, parce qu'il y a quand même des manifestations de masse sur plusieurs mois, avec jusqu'à 1 million de personnes dans les rues. Enfin, c'était quand même une démonstration de force. Plusieurs années. Oui, aussi on prend l'effort dans la durée, effectivement. Mais ça a été une grosse confrontation. Et en fait, pour François Hollande, c'était d'abord et avant tout une pertenette en termes électoraux, si on veut. Ça, c'est si on prend uniquement le niveau comptable. Mais en fait, qu'est-ce que cherchait François Hollande? C'était à obtenir le soutien de ce réseau occulte mondial, qu'on retrouve surtout dans tous les pays occidentaux, parce que là, ils ont carte blanche, ils ont réussi à l'obtenir. Et en se faisant bien voir de ce réseau, il avait un appui politique qui dépasse de beaucoup le seul paramètre électoral. Donc on va le voir avec le point qui suit. C'est juste pour montrer que quand on parle d'égalité, c'est bidon. Hollande n'a pas eu peur d'affronter des millions de gens pour quelques milliers de mariages, entre guillemets, de pseudo-mariages, de fiottes. Donc a priori, juste de prime abord sur les seuls chiffres, ça colle pas. Pour un politicien, ça colle pas. Un politicien qui se casse, qui a le nez collé sur les sondages en permanence, qui est soucieux d'avoir le plus d'électeurs possible, d'aller au choc frontal sur une question comme ça, c'est aberrant en termes purement numériques. Sauf quand vous avez la totalité de l'équation, que vous voyez les réseaux occultes agir dans l'ombre, là vous dites non, Hollande est parfaitement rationnel, son calcul politique tient totalement la route, il veut le soutien de cet énorme réseau de fiottes et de pédophiles qui est logé dans les médias, dans les appareils politiques, dans les administrations, que ce soit en France ou à l'étranger. Et alors j'en viens maintenant à l'exemple concret que je vais donner, c'est Taïwan. C'est cette semaine, d'accord ? Taïwan. Donc Taïwan, officiellement, est reconnu comme étant un territoire chinois. Hein. Faut savoir ça, les États-Unis, la France, tous les pays de la planète reconnaissent, enfin pratiquement tous les pays de la planète reconnaissent Taïwan comme étant une partie intégrante du territoire national chinois. En revanche, il y a une espèce de modus vivendi où on reconnaît l'existence de deux gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement historiquement, si vous voulez, nationaliste, entre guillemets, du Kuomintang, qui s'est réfugié après la prise du pouvoir par les communistes en 1949 sur l'île de Taïwan, et que depuis lors, grâce à la protection américaine, en fait, l'île de Taïwan est de facto échappe de facto, si vous voulez, à la souveraineté du pouvoir chinois communiste, et les Chinois communistes font savoir que, au nom de l'intégrité nationale, Taïwan a vocation à être réintégré dans le giron de Pékin. Bon. Donc il y a une espèce d'ambiguïté, si vous voulez, où tout le monde reconnaît que Taïwan fait partie de la Chine, mais où, dans les faits, l'Occident soutient le sécessionnisme taïwanais. Voilà. Donc il est sous l'influence, cette île est sous l'influence américaine. Donc je disais ça en introduction, parce que vous allez voir, c'est important pour la suite. Alors je vous livre l'article du journal 20 minutes, sur cette question. Donc le Parlement taïwanais a légalisé vendredi le mariage entre personnes de même sexe, une première en Asie, 2 ans après une décision historique en ce sens de la plus haute juridiction de l'île. Ce vote, approuvé à une large majorité, donc des parlementaires, confirme la place de Taïwan à l'avant-garde asiatique en ce qui concerne les droits des homosexuels. C'est une victoire pour les associations de défense des droits LGBT qui sont mobilisées depuis des années pour obtenir les mêmes droits au mariage que les couples hétérosexuels. Bon, ça c'est la littérature de 20 minutes, vous savez d'où ça vient, pas besoin de signer. Hein. En mai 2017, la Cour constitutionnelle de Taïwan avait rendu un arrêt jugeant anticonstitutionnel le fait de priver les personnes de même sexe du droit de se marier. La Cour avait alors donné jusqu'au 24 mai 2019 au gouvernement pour modifier la loi en précisant que le mariage pour tous deviendrait une réalité si rien n'était fait. Mais l'opposition conservatrice s'était mobilisée en organisant en novembre une série de référendums, donc novembre dernier, hein, il y a 4 mois quoi, 5 mois, au cours desquels une majorité du peuple taïwanais a rejeté l'idée que le mariage puisse être défini autrement que ce qu'il est actuellement, à savoir une union entre un homme et une femme, ce qui avait considérablement réduit la marge de manœuvre législative du gouvernement. Alors, je vous donne plus d'informations. Ça, c'était le journal Le Monde qui le précisait. Lors du référendum de novembre dernier, voici ce qui a été posé. 5 de ces questions touchaient au sujet de société. Donc c'était un référendum avec plusieurs questions posées en même temps, en fait. Parmi elles, celle qui affirmait que le mariage doit unir uniquement un homme et une femme qui a réuni le plus de suffrages. C'était le référendum qui avait attiré le plus de votes. 7,7 millions, environ 72% des suffrages exprimés, contre la reconnaissance du mariage, entre guillemets, des homosexuels. A l'inverse, celle proposant de légaliser le mariage homosexuel a été désavouée, 3,4 millions de votes pour et 33% des suffrages exprimés. Donc, 72% contre des suffrages exprimés, ça c'est la partie du référendum qui avait drainé le plus de participants, et sur le deuxième, en faveur, il y a eu une plus forte mobilisation, si vous voulez, des pros. Et donc, ils n'avaient rassemblé cependant que 33%. 33% pour le mariage des fiottes. Bon, ça, c'était en novembre. 4 mois après, quelques centaines d'encravatés au Parlement disent « On reconnaît, c'est validé, au revoir. » Donc, vous avez un Parlement qui vote contre le peuple, contre 72% de la population taïwanaise. Mais c'est une avancée pour la démocratie. Voilà, ça, c'est de la démocratie bien comprise, c'est-à-dire la démocratie juive. Voilà ce que c'est la démocratie. Donc, c'est pour ça que je faisais le lien avec ce qu'avait fait Hollande. Parce qu'ils disent l'égalité, les droits, machin. Regardez bien, quand vous exercez, quand le peuple s'exprime, il envoie chier toutes ces conneries, et là, on vous dit, non, la démocratie bien comprise, c'est quand nous, on décide, pas vous. Donc, vous, les gueux, vous repartez. Voilà. C'est ça que je voulais... Et c'est caricatural. D'ailleurs, tu vois, il y a certains candoles qui avaient demandé un référendum sur la question. Ça n'aurait servi strictement à rien. Y compris en France. Ce serait passé exactement de la même façon, il y aurait je ne sais quel conseil qui aurait déclaré que finalement, non, les pédales auraient le droit de se marier, quoi qu'il en soit. Alors, qui veut réagir encore sur ce magnifique exercice de démocratie où... C'est un peu comme l'immigration, vous n'avez pas remarqué ? C'est-à-dire que vous avez quelques juges comme ça d'une haute juridiction, on ne sait même pas qui c'est, on ne connaissait pas leur nom, ils disent oui, regroupement familial, oui, c'est... Le refuser, c'est anticonstitutionnel. L'immigration de masse, oui, vous pouvez pas refuser. C'est comme récemment avec Fabius, le juif Fabius à la tête du Conseil constitutionnel qui a validé en France, sur lobbying de Héroux et de tous ces réseaux-là d'extrême-gauche, plus d'autres réseaux de la finance comme Soros, qui ont dit oui, en fait, vous pouvez aider des clandestins sur le territoire français à se maintenir sur le territoire français, c'est parfaitement constitutionnel. Enfin, c'est extraordinaire. Et ben là, c'est la même chose. Vous avez une poignée de juges, quelques encravatés, qui valide un truc contre le peuple, explicitement, et on ne connaît pas les mécanismes en apparence. Sauf que derrière, vous avez bien compris que c'est le puissant réseau international des fiottes qui est entré en action, c'est évident, et ils ont fait miroiter à cette clique de politiciens logés à Taïwan un certain nombre d'avantages économiques, probablement militaires, pour faire face à la Chine continentale. À mon avis, c'est les Américains qui ont dit ça. Ils ont dit, bon, les gars, faut donner des gages maintenant. Hein, essayez de montrer que vous êtes du côté des gentils, du côté du bien, vous voyez, c'est-à-dire notre camp à nous. Voilà. Donc, voilà. Et ils se sont dit, ça va faire chier énormément les Chinois. Et je pense même que dans le calcul des cervelles hébraïques qui sont derrière ce coup fourré, il y a l'idée d'agiter les homosexuels en Chine continentale. C'est d'envoyer un signal, en langue chinoise, via les réseaux sociaux, fatalement, en direction des PD de la Chine continentale, et de recruter comme ça, facilement, quelques dizaines de millions de tarés qui vont vouloir s'associer à quiconque voudra leur permettre de s'enculer sur la place publique. Vous comprenez les méthodes subversives qui sont en action ? Oui, bien sûr. Mais c'est pas pour rien que Poutine avait clairement identifié comme manœuvre occidentale la promotion de l'homosexualité et qu'il l'a interdite. Enfin, ils sont pas dupes quand même, les mecs. Ils ont parfaitement compris. Et ils ont parfaitement raison. Bah, je veux souligner un point important. Hein. C'est que il est évident pour les forces nationales ou nationalistes que les forces internationalistes sont leurs ennemis. Et la maçonnerie des fiottes est une maçonnerie internationale. Et elle est autrement plus nombreuse que la maçonnerie tout court. Et autrement plus puissante, on le voit. Donc, il est évident que tous ceux qui auront un projet de nature globale ou globaliste, comme les juifs, vont trouver très naturellement dans cette maçonnerie de fiottes un renfort très utile. Très utile, d'autant plus utile qu'il est déjà infiltré dans toutes les sociétés pour des raisons purement statistiques. Donc il suffit de les agiter, il suffit de s'en servir. D'accord ? Et un pays qui doit être mis en coupe réglée par une force comme ça, transnationale, internationaliste, quoi, va non seulement les agiter, mais il va les mettre au pouvoir. Il va, d'une manière générale, mettre au pouvoir des minorités qui ont un intérêt à avoir derrière eux une force internationale. Parce que ces minorités leur doivent tout. Vous comprenez ? Donc ça, c'est important à comprendre ça. Et une force nationale fera toujours face à ces forces internationalistes, à ces réseaux occultes internationaux. Toujours. Et il y en a toute une série. Hein. Je veux dire, il y en a toute une série. Il n'y a pas que les fiottes. Hein. Il y a toute une autre série de réseaux internationaux comme ça. Toute une autre série. Mais celui-là particulièrement. Voilà. Donc c'est vraiment de l'ingénierie sociale, de la mise en coupe réglée de nations entières, de la démoralisation, la destruction cynique de la société, pour mettre le peuple à genoux et semer la confusion dans les esprits et l'empêcher de se relever. Hein. Vraiment, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de cadeaux à des choses comme ça. Il faut vraiment faut être intraitable sur ces questions-là. Et pour le coup, j'ai beaucoup de sympathie pour certaines organisations qui aiment à vérifier la pertinence des lois de la gravité par certaines méthodes. Bon, je ne le cache pas. La pesanteur est homophobe. Heureusement quand même qu'on a Renaud Camus pour lutter contre le grand remplacement en France, quoi. C'est vrai. Avec Karim Ouchik. C'est important. Quelqu'un d'autre là sur votre Taïwanais ou je clôture sur ce que je disais avec un exemple très concret et là pour le coup français. Non ? Bon. Alors là maintenant on passe en France. Ministère de l'Intérieur, ça devient sérieux, hein ? Enfin sérieux. C'est encore un aspect de sérieux, mais vous allez voir. Donc c'est un tweet de SOS Homophobie qui écrit la chose suivante. Il y a deux photos. Il y a une photo du portail du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, donc portail, plus les gardes qui sont en faction, et une autre photo qui est prise à l'intérieur, où on voit une bande de gens très louches, beaucoup de barbus, une gonzesse, on ne sait pas trop, c'est peut-être un trans, je ne suis pas sûr, je vous avouerai que je ne suis pas certain. Et voici ce qui est écrit. Réunion avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Pour le 17 mai, donc, qui est donc la journée de lutte contre l'homophobie, blablabla, quelque chose de cette nature. Nomination de 522 référentes, écriture inclusive s'il vous plaît, LGBT, dans les commissariats de police, 175 en gendarmerie. L'effectivité de leur formation est centrale pour l'accueil des plaintes des victimes de violences LGBT-phobes. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura 522 fiottes et travelots qui seront placés, qui auront en charge de superviser le travail des commissariats de police, et 175 fiottes et travelots dans les brigades de gendarmerie, pour bien s'assurer que la traque aux types qui ont des griefs à faire comme nous, à ces gens-là, soit bien passible de répression judiciaire et que le boulot soit bien fait. Voilà. Donc il y a une police politique de fiottes mise en place officiellement par le ministère de l'Intérieur pour s'assurer que le programme soit mis en place. Voilà. Exemple concret. Donc on passe de Taïwan, où vous avez vu comment les choses sont réglées, à chez nous, où bien évidemment le peuple n'a pas du tout été consulté sur ces questions. C'est bien évident. Donc voilà, les commissariats sont maintenant supervisés par les fiottes et les PD pour traquer ceux qui toussent quand on essaie de transformer les gamins, les petits garçons en petites filles pour leur toucher le cul. C'est beau, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, est-ce qu'ils iront faire des formations après être revenus du mémorial de la Shoah sur l'homophobie ou avant? Ah, bonne question ça. C'est vrai que ça se cumule tout ça maintenant. Bah, les deux lobbies les plus puissants en France, ils avancent leur pion. C'est ça. Mais c'est bizarre parce que moi je croyais qu'on est dans une France suprémaciste blanche, patriarcale et raciste, auquel cas c'est nous qui devrions être place Beauvau en train d'exiger de pouvoir faire des listes de gens à arrêter là. Mais c'est très curieux, c'est pas ce qui se passe. Mais tu sais, ça va loin leur connerie. Hein. Là, cette semaine, ils ont fait chier à propos de l'homophobie, comme tu disais, pour la journée de mon cul, là. Et parce qu'ils voulaient faire porter des brassards arc-en-ciel aux joueurs de foot de Ligue 1. Oui. Et il y a des capitaines de foot qui ont refusé de porter le brassard. Alors en plus, c'était même pas pour les faire chier, c'était juste parce qu'en fait, le brassard, il s'enlevait, c'était pas pratique. Enfin, c'est ce qu'ils ont avancé, en tout cas, comme explication. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense que c'est pas vrai. Ouais, je pense qu'à mon avis, t'as des mecs qui sont un peu sur des valeurs traditionnelles. Oui. Parce qu'en Ligue 1, t'as quand même pas mal de joueurs qui viennent d'Afrique et d'Amérique latine. Bah oui. Donc l'homosexualité, c'est pas très très bien vu, quoi. Et là, ils sont en train de faire des listes, les PD. Hein. Ils font des listes pour dire, voilà, tel capitaine n'a pas porté tel brassard et tout. Ah ouais. Est-ce qu'ils sont pas un peu homophobes? Est-ce qu'ils vont faire des procès aux capitaines de foot? Je ne sais pas. Tout est possible. Bah, ils ont annoncé que, d'ailleurs, c'est en lien avec le ministère de l'Intérieur et ses associations de fiottes. Et d'ailleurs, il y a la ministre des Sports a annoncé ça aussi, qu'ils allaient mettre dans les stades des mouchards, parce qu'il faut utiliser les noms. Ils disent oui, des référents, etc. Là, j'ai entendu, enfin, vous avez vu SOS Homophobie, là, cette organisation de PD sidaïque, ils disent des référentes. Non, on appelle ça des mouchards. Donc, ils placent des mouchards dans les commissariats pour voir si les flics font le job de police politique. Donc là, ils vont faire pareil dans les stades, ils vont foutre des mouchards. Et le job des mouchards, ça sera de dire, tiens, celui-là, il y a un tel ultra qui a fait tel chant, tel truc, voilà, pour les interdire de stade. Les PD qui n'en ont rien à foutre du foot vont sortir les ultras des stades. Oui, je voulais signaler sur le sujet, Marc Collette, qui est un Anglais, là, qui participe au David Duke Show assez souvent. Donc Collette, COLLETT, je crois. Vous tapez Colette LGBT ou autre, alors la vidéo c'est donc en anglais, Liberal Push to Sexualize Children, donc excusez-moi pour mon accent, les libéraux, c'est au sens moral, les relativistes donc, font en sorte de sexualiser les enfants, donc ils font des efforts en ce sens. Bon. Et donc même si vous ne connaissez pas trop l'anglais, bah, il y a plein d'illustrations d'enfants drag queen, etc. Et, bon, voilà, ça se suffit à soi-même, hein. Mais c'est très alarmant. Et donc lui, en fait, il fait un tour d'horizon de ce programme. Oui, exactement. Bah, il y a beaucoup d'exemples qui sont pris au Royaume-Uni parce que c'est là d'où il vient, mais il y a aussi d'autres exemples internationaux. C'est assez complet. Ça fait un quart d'heure à peu près. D'accord. Ok. Donc Marc Collette. Collette, t'écris comment le nom de famille? Alors COLLETT. Et donc Marc avec un K. Marc Collette, voilà. Donc pour ceux qui veulent s'y référer, vous le trouverez donc sur YouTube, si je ne m'abuse, si j'ai bien compris. Alors, pour clore ce sujet dégénérescence internationale, pour le coup, quelqu'un veut-il ajouter quelque chose ou pas? Pas de remarques particulières? D'accord. pause musicale et on se retrouve tout de suite après, les amis. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 20. Alors, rubrique numéro 4, les amis, c'est judéo-bolchevisme, le mot n'est pas trop fort, je vous propose d'aller à Tulle en Corrèze. Je pense qu'on a déjà eu l'occasion de parler de Tulle, mais là, c'est une excellente occasion. Oui, c'est vraiment du bolchevisme, hein. Tout y est, vous allez voir. Alors, c'est un article du journal local La Montagne. Alors, une cinquantaine de personnes ont protesté contre l'expulsion d'un ancien pirate somalien détenu en Corrèze. Ce lundi après-midi, une cinquantaine de personnes se sont réunies devant la préfecture de Tulle pour s'opposer à l'expulsion d'un ancien pirate somalien détenu à Uzerche, en Corrèze, donc dans le département de la Corrèze. Parmi la cinquantaine de personnes présentes, six élus de la mairie de Tulle se sont réunis, hein, donc le lundi devant la préfecture, comme je l'ai dit, pour protester contre l'expulsion de Mohamed Moussefara, un ancien pirate somalien qui sera renvoyé vers son pays d'origine après avoir purgé sa peine de prison au centre de détention d'Uzerche. En 2011, un Français, Christian Colombo, a été tué à bord de son voilier Tribal Cat dans le golfe d'Aden. Mohamed Moussefara, qui avait un temps tenu la barre du skiff des pirates qui ont attaqué le catamaran et pris en otage la veuve du skipper, avait été condamné à 11 ans de prison. En novembre 2018, Mohamed Moussefara a déposé une demande d'asile car, ayant collaboré avec la justice française, il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays. Sa demande d'asile avait été refusée, il a donc déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Pourtant, le préfet de la Corrèze a déjà ordonné à l'ancien pirate de quitter le territoire français. Les associations corréziennes de soutien et de défense des droits des étrangers, représentées par la CIMAD, dénoncent une double peine, car la condamnation de Mohamed Moussefara par la cour d'assises n'avait pas été assortie d'une interdiction du territoire français, d'autant plus que le Somalien a eu, je cite donc les organisations présentes, un comportement exemplaire en détention et que sa famille a été obligée de quitter son village et de vivre caché, estime donc ses soutiens. Alors il faut voir hein, donc le panel de personnes présentes, des vieux, des vieilles, moyenne d'âge 70 ans. Vous avez bien compris qu'à la manœuvre se trouve le Parti communiste, hein, voilà, le Parti communiste, les marxistes. Donc vous voyez que hein, à Tulle, en Corrèze, le fief de François Hollande, après avoir été celui de Chirac, bien sûr, on cultive un communisme rural résolument anti-français, hein, puisqu'il y a quand même un Français qui s'est fait calibrer par les copains donc de Mohamed, hein, le pirate, n'est-ce pas, le pirate, la figure de pirate en question. Alors je vais peut-être te demander l'avis à nos participants de me dire tout le bien qu'ils pensent du Parti communiste français, qui décidément rate jamais une occasion pour faire tuer des Français. Ça c'est vraiment quand même une constante. Alors, qui veut m'en dire quelque chose? Pierrot, peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, le bonhomme, il tue des Français, pour bien résumer, hein. Ouais. Mais vu qu'il s'est bien comporté en prison, finalement ça va, c'est lavé, hein. Déjà. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Il est poli. C'est Jean-Marie Le Pen qui disait dans une célèbre émission que le parti communiste, n'était pas mort, ou le communisme n'était pas mort. Je suis assez d'accord avec lui. Parce qu'effectivement, dans les urnes, bon, bah, le communisme, effectivement, ça fait 3%, 2%, 1%, genre de truc, quoi. Mais par contre, la propagande cosmopolite et la propagande communiste, elle est toujours là. Bah, en fait, elle est toujours là parce que, il y a toujours les boomers, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça, il y a les boomers, hein, on voit bien. Et puis la presse locale. Là, c'est le journal La Montagne, il y a des exemples comme ça à l'infini, où on voit que la presse, c'est vraiment le parti, enfin, le nouveau parti communiste, c'est la presse. Voilà, c'est ça le nouveau parti communiste, n'allez pas chercher dans les maisons du peuple, s'il en existe encore, ou bien place du colonel Fabien, si vous voulez voir des communistes, vous allez dans la première rédaction de votre ville. Là, vous allez trouver tous les commissaires politiques du parti. Voilà, et c'est pour ça qu'ils ont quand même trouvé 50 pimpins, donc 6 élus à la mairie, hein, de Tulle en Corrèze, hein, s'il vous plaît, pour défendre... un criminel, un meurtrier, un assassin des maires qui a tué un ressortissant français, quoi. Et il y a des comités de soutien. Bon, les mêmes en Corrèze et à Tulle qui vont hurler contre, je me rappelle plus quelle était l'organisation, peut-être que quelqu'un s'en rappellera, je crois que c'est Division Nationaliste Révolutionnaire, dont il avait été dit qu'il voulait ouvrir un local dans la ville de Tulle, et il y avait une manifestation, la mairie s'était mobilisée, François Hollande avait fait savoir qu'il était contre, le préfet en état d'alerte, simplement parce qu'une organisation légale voulait louer un local. Bon. Et les mêmes ordures sont sur le pont pour sauver un assassin originaire de Somalie qui a buté un Français. Je sais pas si... Bon, c'est juste pour dire à quel racaille on a affaire. Voilà. C'est de la vermine. Oui, c'est de la vermine. Oui. C'est de la vermine, protégée par Hollande en personne. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est ces gens-là, je veux dire. Bon. D'ailleurs, je vais modérer un peu mon propos parce que finalement, c'est vrai qu'au... aux élections d'ampleur nationale ou européenne, les communistes sont morts. Par contre, tout ce qui est, on va dire, tous les enjeux, par exemple, des municipales, tout le tissu associatif, il y a énormément de communistes là-dedans. Il y a des maires qui sont réélus comme ça depuis 10, 20, 30 ans, alors qu'ils ont l'étiquette du Parti communiste. Pareil pour les journaux. Hein. Alors là, tout ce qui est la presse, c'est complètement inféodé par les communistes. Non, non, c'est une idéologie qui est toujours présente, malheureusement. Hein. Faut pas uniquement se fier aux sondages et aux résultats de l'élection nationale. Oui, c'est-à-dire que oui, le communisme en fait ne se réduit pas au parti communiste. Et en fait, vraiment, hein, quand je dis que la première organisation communiste de France, c'est les médias, c'est totalement vrai. Hein. C'est-à-dire, vraiment, et surtout dans la presse régionale, c'est très fort dans la presse régionale et dans la radio d'État régionale. Donc tout le réseau France Bleu, plus les petites radios ici ou là isolées, plus la presse écrite. Alors, toute la presse écrite que vous connaissez actuellement a été façonnée en 1944-1945. Après l'épuration. Ah, c'est intéressant, ça. Les gens le connaissent. Est-ce que vous savez comment s'est née la carte de presse? Est-ce que vous savez ça? Vous savez pas? Alors ça, je sais absolument pas, du coup. Alors, la carte de presse, officiellement, elle n'était pas obligatoire, elle a été créée en 1935, officiellement. C'était juste pour donner, pour clarifier professionnellement la situation des journalistes qui jusque-là n'avaient pas vraiment de statut, on savait pas bien comment les définir. Bon. Mais c'était pas obligatoire. Donc il y avait plein de gens qui, voilà. À partir de à la libération en 44-45, ça a été obligatoire. Et vous savez ce que c'était la carte de presse? Vous savez ce que c'était concrètement? La carte de presse était gérée par un comité en charge de l'épuration de la presse. Donc aux mains des communistes. Donc la carte de presse, elle était donnée à tous les mecs qui étaient validés par le Parti communiste. D'accord? Plus les gaullistes, évidemment, il y avait un accord, machin, donc voilà. Mais en gros, c'était ça. C'est-à-dire que le principe de la carte de presse, c'était l'antichambre pour évacuer tout ce qui pouvait être de droite à un titre ou à un autre, en France, dans la presse. C'est comme ça qu'ils ont détruit la presse en France, c'est pour ça qu'il n'y a pas un seul canard de droite en France. Il n'y en a pas un. Si, vous allez me dire, il y a Rivarol, bon, ils résistent vaillamment avec le peu de moyens qu'ils ont, d'accord? Un tout petit peu Valeur Actuelle, mais Valeur Actuelle est surtout une valeur juive. Hein. Bon, il y a des articles intéressants ici ou là, ça critique un peu l'immigration, mais en gros, ça rabat pour... Tu veux me dire que Le Figaro n'est pas un journal de droite? Non, attends, arrête. Donc en fait, il faut bien comprendre que la carte de presse, depuis 75 ans en France, c'est le tampon que mettent les vainqueurs de 45 sur qui a le droit de s'exprimer en tant que journaliste dans ce pays. C'est pour ça que si vous n'êtes pas, comment dirais-je, idéologiquement raccord avec l'État et avec le système, et les journaux subventionnés par l'État, on s'en fout de votre activité, vous n'aurez pas de carte de presse. Vous n'en aurez pas. C'est marrant parce que quelques années auparavant, enfin 45, on a mis une carte en place, une carte professionnelle. Sans non. Cette carte, tu n'avais pas le droit d'exercer, mais c'était pour le métier de pute. Comme quoi, finalement... Ah, Soral, il dit qu'un journaliste, c'est soit un chômeur, soit une pute. Donc, quelque part, on est dedans, là. Ouais, c'est un peu ça. Donc, y a pour des raisons d'hygiène. Hein. Il y a un peu plus de 35 000 journalistes encartés en France. Donc, ne vous étonnez pas, ces 35 000 mecs sont payés pour faire le boulot de retape du système. Et tous les journaux créés actuellement, donc tous les journaux, hein, je veux dire, le Dauphiné libéré, tu vois, les trucs libérés ou les républiques, la République du sang, tous ces trucs-là, c'est... de toute façon, dès qu'il y a libéré ou... Comment dire ou, comment dirais-je... République machin, tout ça, c'est des trucs gaulo-communistes. Ça a été pondu en 44-45 pour verrouiller toute la propagande. Ce qui a été fait, est bien fait. Voilà. Donc, Donc c'est pas étonnant, si vous voulez, que 75 ans après, bah, vous avez un grand et bel article de La Montagne, hein, ça doit faire facilement un quart de page, pour expliquer que 50 enculés du PC sont venus défendre un pirate somalien qui a, en tout et pour tout sur son CV, l'assassinat d'un Français. Voilà. C'est extraordinaire, quand même. Et il demande à faire, donc, de Tulle et de la Corrèze un havre pour pirates musulmans. Voilà, c'est... Bon, on va les voir débarquer. On va voir débarquer du chebab somalien en Corrèze. Ça tout va à être, fait. Ça va être très sympathique. Alors, évidemment, je n'appelle pas la violence, mais ce type-là qui a passé quand même 7 ans dans nos hôtels 3 étoiles, veut faire quelques années en plus, parce que visiblement, il a pris goût au climat, à la nourriture, à l'accueil, aux bons soins des bons Français, qui sont des bons et de braves contribuables. Mais tout ça nous aurait coûté beaucoup moins cher si on avait... égarer une balle de 5,56 au bon endroit, au bon moment. Qu'est-ce qu'on fait avec ces types? Bah ça, il faut demander à la marine. Hein. Je vous trouve bien trop dur. Hein, parce que ça se trouve, notre brave Somalien, il a peut-être buté un salopard de nazi, de facho, de raciste de merde. Hein, un électeur du FN. Il a peut-être buté un électeur du FN, on ne saura jamais. Voilà, bon, n'empêche que je pense beaucoup à la veuve, hein, donc vous avez entendu hein, dans l'article. Donc, donc l'homme a été abattu lors de la prise d'otage, et l'otage en question, c'était la veuve actuelle, quoi. Je suis sûr qu'elle est très satisfaite de savoir que des gens se mobilisent pour maintenir à toute force les assassins de son mari sur le territoire français. Je suis convaincu que cette marque d'humanisme la touche profondément, j'en suis certain. Bah, de toute façon, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure vis-à-vis de l'homosexualité, c'est-à-dire que, et tu me couperas si j'ai tort ou si je vais trop loin, tant qu'il n'y aura pas de réaction profonde au sein de la population française, le foutage de gueule continuera, puisque l'État français ne respecte que la force. On l'a déjà dit à nombreuses reprises, ça a déjà été démontré par des crises telles que celle des bonnets rouges. Il n'y a que les corps constitués qui sont capables de provoquer la violence, comme aussi, par exemple, les groupes de gitans, qui sont respectés. Donc, les comptes français continuons à être individualistes et à penser que l'État maman est là, l'État papa est là pour nous protéger, et puis on va continuer à se faire enfumer, quoi. Ouais, c'est... Bah, les gilets jaunes, ça, on l'a vu, enfin... Le déniaisage accéléré là, à la faveur des gilets jaunes, là, les gens ont compris, quoi. Je veux dire, les mecs dans les banlieues à Grenoble, là, il y a eu des émeutes raciales il y a quelques mois très violentes. Bon, hein, il n'y a pas eu un tir de flashball. Pas un. Bon. Les bons gaulois, alors au début, je veux dire, au début du mouvement des gilets jaunes, parce qu'après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mecs d'extrême gauche, mais je veux dire, au début, les braves gaulois, ils viennent gueuler parce qu'ils en ont marre de payer des taxes sur le carburant qui s'ajoute à toutes les autres taxes, tous les impôts, pour nourrir en fait l'Afrique, hein, voilà. Et eux, très vite, hein, les ordres ont été donnés par Castaner, hein, très soucieux du sort des homosexuels, comme vous l'avez vu, quand c'est pas des juifs, il a donné les bonnes consignes. Les gars, vous visez la tête. Bon, des centaines et des centaines de blessés plus tard, il se passe rien, je veux dire. Hein, y a pas, y a... C'est des goïms, ça compte pas. Oui, mais c'est les mauvais parce qu'ils sont blancs, ils viennent du peuple, ils sont c'est des Gaulois, ils veulent pas payer la taxe cachère, hein, ça va pas, tu vois, ça va pas. Voilà, non, mais simplement pour expliquer ça, donc pour faire le lien avec ce que disait Hopman, voilà, c'est-à-dire que en France, avec cette république judéo-marxiste, c'est la prime aux ordures, c'est la prime aux criminels, c'est la prime aux marginaux, aux asociaux, aux resquilleurs, voilà, c'est ça, enfin. En France, le mec qui l'aura toujours dans l'oignon, c'est le mec qui bosse, qui se lève le matin, qui bosse, qui paye ses impôts à date convenue, c'est lui qui se fera truander. Ceux qui se font pas truander, c'est tous les pourris, qui foutent la merde. Voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, c'est aujourd'hui le dernier jour pour payer les impôts, ceux qui nous écoutent mardi. Les juifs attendent leur heure. Alors, puisqu'on en parle, je vous propose de passer maintenant à la rubrique suivante, rubrique numéro 5, les sales juifs de la semaine. Il y en a deux, hein, il y en a deux. Je vais commencer avec Gilles William Golnadel, un droitard bien connu quand même de nos milieux, je pense. Hein, Gilles William Golnadel, il est partout, il a des tribunes dans Le Figaro, Valeurs Actuelles, il est chez Ardisson. Un ami des Français de droite. Ouais, ouais, il est là et tout. La France, c'est une terre chrétienne, machin, les musulmans, il faut qu'ils la ferment. le défenseur de la civilisation judéo-chrétienne. Ah oui, il insiste beaucoup. Il dit, quand même, la France a toujours été une terre judéo-chrétienne, les barbares musulmans dehors. Alors, bon, d'accord, très bien, ça plaît beaucoup à toute une série de personnes. Qui peuvent en fait se laisser un peu leurrer par la connotation un peu anti-islam, un peu stricte là sur l'immigration que Golnadel peut avoir. Il a créé aussi son propre média qui s'appelle La France Libre, porte très mal son nom, ou alors c'est raccord avec De Gaulle, auquel cas je suis d'accord. Il s'agit de sauver la France juive, quoi. Oubou, en fait, il promeut très agressivement des maghrébins anti-islam et des nègres. Voilà, le dénominateur commun, c'est l'anti-islam. D'accord, très bien. Alors, je vous livre cet article du Figaro, où il officie d'ailleurs, hein, qui appartient, devrais-je le dire, au vendeur d'armes Bloc d'Assaut, hein, qui n'est pas catholique. Voici ce que ça dit. Les ultra-orthodoxes contestent la souveraineté de la France sur donc, le complexe dit du tombeau des rois, situé à Jérusalem-Est, et qui appartient au domaine national français en Terre Sainte. Les rabbins israéliens, issus de la mouvance ultra-orthodoxe, veulent bouter la France hors du tombeau des rois, qui appartient donc au domaine national, comme je l'ai dit, depuis la fin du XIXe siècle. Le Hekdesh du tombeau des rois, une association cultuelle juive, a engagé mercredi une procédure judiciaire en France, via son défenseur, Maître Gilles-William Golnadel, en assignant le Quai d'Orsay et le consulat de France à Jérusalem devant le tribunal de grande instance de Paris. Les plaignants revendiquent la propriété du monument qui constitue le plus grand complexe funéraire de la région. Situé à Jérusalem-Est dans la partie palestinienne de la ville annexée en 1967 par Israël, le tombeau des rois date du Second Temple. Deux fois millénaire, il a été récemment restauré par l'État français. Des négociations sur les conditions de sa réouverture au public ont été engagées au plus haut niveau entre la France et Israël. Donc vous l'avez bien compris, ce tombeau est un monument qui est la propriété de l'État français depuis le XIXe siècle, il l'a récemment fait restaurer à ses frais, et compte donc le réouvrir, lui donner accès à toutes les personnes, quelle que soit leur confession, qui veulent venir le visiter, juifs, catholiques, chrétiens, protestants, etc. Bon. Et... très curieusement, nous dit Gilles-William Golnadel et ses amis ultra-orthodoxes israéliens, il s'avère que non, pas du tout. L'État d'Israël, créé en 1948, est propriétaire de toute éternité de ce bien qui appartient depuis donc un peu pratiquement deux siècles à l'État français. Alors du coup, j'en perds mon latin, mais ça serait faire preuve d'antisémitisme. Oui, voilà, j'en perds mon yiddish, je ne suis pas très sûr. J'aimerais connaître votre opinion pour un peu pour clarifier et essayer de comprendre. Pierrot ou quelqu'un d'autre. Oui, bah écoute, c'est très sympa en tout cas, c'est bien stratégique, hein. C'est-à-dire que nous on met du pognon pour restaurer ce monument, et alors je suis en train de regarder les photos sur Google Images, donc je pense que c'est pas 3 francs 6 sous, à mon avis c'est beaucoup de pognon, parce qu'il y a à mon avis beaucoup de travaux à faire, c'est assez joli d'ailleurs, hein. Et une fois que tout est restauré, donc voilà, nous on paie, hein, donc n'oubliez pas, comme McDav l'a dit, faut bientôt payer les impôts, hein. Et bah après le juif il vient, puis il fait, en fait, c'est restauré, c'est bon ? Ah bah en fait c'est à moi, voilà. Donc ça premièrement, et puis bon, bah comme d'hab en fait, hein, le judéo-christianisme de Golnadel, en fait il est judéo, hein, mais il est pas trop chrétien. Apparemment, oui. Apparemment. Il a eu deux passeports cet enculé ou pas ? Je crois que oui. Hein. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Bah c'est un grand copain de Bibi, donc oui, je pense qu'il a même son rond de serviette à l'ambassade. Ouais, il a les deux passeports, je viens de vérifier. Bien sûr. Ouais. Bon, à mon avis, il y en a un qui a plus de valeur que l'autre. Hein. Oui, je pense aussi. Bah, il y en a un qui est éternel et l'autre qui est destiné à voyager, tout simplement. C'est une carte de cantine, l'autre, en fait. Ça te permet ça te permet de bouffer à ta guise, à droite, à gauche. C'est des coupons, comme pendant la guerre. Bah, c'est étonnant, quand même, parce que, bon, on est quand même d'accord. Parce que, vous savez, là, dans la nouvelle définition d'antisémitisme dont nous avons parlé... dans plusieurs émissions, mais on en a fait une spécifiquement là-dessus, on avait bien détaillé la nouvelle définition d'antisémitisme. Vous savez qu'on ne peut pas questionner la loyauté d'un juif qui détient la double nationalité israélienne et française, parce que c'est l'antisémitisme. Comme Le Pen avec Stoléru, c'est ça? Non, c'est la nouvelle définition d'antisémitisme à laquelle adhère désormais la France, l'État français officiellement, annoncée par Macron lors du dernier dîner du CRIF. Voilà. Et quand vous regardez la définition de l'antisémitisme, je crois qu'il y a 25 points, peut-être un peu plus, un peu moins, il est précisé que si vous remettez en question... Voilà, ils veulent rien savoir, hein, c'est dogmatique. Si vous remettez en question la loyauté d'un juif qui détient deux passeports, hein, israélien et en l'occurrence français, c'est une marque d'antisémitisme. Donc ça veut dire que là, si on remet en cause, sur ce cas précis, la loyauté de Gilles William Golnadel vis-à-vis de la France, c'est une marque d'antisémitisme. Bon. Pourtant, là, j'ai quand même l'impression que son cœur penche plutôt d'un côté que de l'autre. Et là, c'est flagrant. Donc j'extrapole un peu, je pose la question. Là, c'est un cas, c'est une question foncière. Bon, même s'il y a un patrimoine, etc. Bon, Golnadel, là, le super patriote, qui veut sauver la France du péril islamique. Bon, là, il est intéressé au plan racial et il dit, moi, je suis du côté des rabbins ultra-orthodoxes quand même. Même si en France, il est très laïque, bien sûr. D'après vous, s'il y avait vraiment un conflit ouvert avec Israël ou même un conflit larvé, pour qui travaillerait Golnadel, d'après vous? Pose la question. Mais comment pourrait-il y avoir un conflit avec la plus grande démocratie du monde? Oui, c'est vrai. Comment on appelle en droit militaire ces gens qui portent atteinte à l'intégrité de l'État? Je crois que c'est une trahison, non? Oui, c'est ça, des traîtres. Ça n'existe plus, ça. C'est caduque. Bah, ils sont pas fous, hein. C'est Sarkozy qui l'a aboli, je crois. Bah oui, parce que nous sommes tous citoyens du monde. Ah oui, donc on peut pas trahir. Oui. Sarkozy, qui est fils de... Sa maman était, je crois... Non, c'est... Juive. Oui, non, c'est par la grand-mère, mais côté... Oh, je ne sais plus. Pas des juifs de Thessalonique, non? Si, oui, c'est son aïeul est un des fondateurs du mouvement sioniste. Ah oui, tout à fait. Et comme l'a dit le vieux Le Pen, effectivement, plus les années passent, et plus son tarin s'agrandit. Non, c'était une femme qui parlait à Le Pen qui lui avait dit ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, monsieur le président, plus il vieillit, plus c'est marqué, plus son nez est marqué, et c'est vrai. Il avait confirmé le vieux ou pas? Je crois que c'était lui qui l'avait dit. Ah oui. Et il avait dit aussi sur Mendes France à l'époque, il avait dit: vous cristallisez sur votre personne des haines patriotiques presque physiques. Ah, il était bon, il en sortait des bonnes, putain. Oui, c'est vrai que tous ces gens portent le crime sur leur visage, effectivement. Bon, en tout cas, bon, bah, Golnadel, donc là, le droitier qui tient les musulmans là, à bout de l'aise, là, vous avez bien compris que bon, il est quand même plus israélien que français, quand même. Faut quand même bien le dire. Ouais, non, mais il est juif. Est-ce que ce serait pour ça qu'il aurait son rond de serviette dans tous les médias de droite en France? Je sais pas, mais il faut des juifs partout, à droite, à gauche, chez les patriotes, même chez les antisionistes, il en faut partout. Ouais, c'est vrai, très important ça, très important. Alors, voilà donc pour le patriotisme hypothétique de Gilles. Attends, mais tu voudrais quand même dire qu'il serait possible qu'un jour, Israël et la France n'aient pas les mêmes intérêts? Ah oui, je suis con. C'est déjà de l'antisémitisme. C'est vrai, déjà le suggérer, c'est douteux, effectivement. Alors, juste pour anecdote, quand même, juste pour voir à quel point l'homme est sincère, je crois qu'il est président, mais s'il n'est pas président, de toute façon, c'est un membre important de cette organisation. Et vous allez voir, le nom va vous paraître tout à fait caractéristique, puisqu'il est président, me semble-t-il, de l'association Avocats sans frontières. Et comme vous le savez, c'est souvent sans frontières avec les juifs. C'est le fondateur, voilà. Le fondateur de l'Avocat sans frontières. Alors Kouchner, c'est Médecins sans frontières. Puis on peut continuer comme ça longtemps. Enfin, tout est sans frontières, c'est un monde fondateur, sans frontières. Et il est resté président depuis, voilà. D'accord, oui. Alors il y a un seul métier où il y a des frontières, ça s'appelle escroc. Ça, par contre, il faut des frontières au niveau d'Israël bien fermées. Oui. Évidemment, aucun droit d'extradition. Là, parce que sinon, si on commence à aller chercher tous les escrocs du monde qui se planquent en Israël. Ils en rendent quelques-uns quand c'est trop gros. Ils en rendent quelques-uns quand c'est trop gros. Mais sinon, oui. Bon, Wikipédia, beaucoup, hein. Pour une fois, je suis obligé de le souligner, ils sont assez honnêtes, parce que je suis en train de regarder du coup sur la fiche pour voir si Gonadel était fondateur, etc. Ils disent, c'est une association française de loi 1920 pro-israélienne. Ah, au moins, ils l'ont mis. Ah. Oui, mais du coup, là, c'est un peu de marque d'antisémitisme quand même, ça. Ah bah ouais. Hein ? Mais que fait Wikipédia ? C'est ça. Alors, bon, bah voilà. Alors, au titre donc de la présidence qu'il exerce dans cette association qui s'appelle Avocats sans frontières, il a poursuivi de l'Esquin, qu'il a fait condamner, je crois, et aussi Hervé Ryssen, et encore, je crois, d'autres personnes. Enfin, c'est quelqu'un qui a un problème avec les... Enfin, moi, j'en conclurai, là, hein, franchement, je conclurai des poursuites qu'il engage à la tête de cette organisation, qui s'appelle donc Avocats sans frontières, j'en conclurai que ces types-là, des mecs comme Ryssen, de l'Esquin, sont des mauvais Français. Je pense qu'ils sont pas vraiment patriotes. Moi, c'est la conclusion que j'en tire. Le bon patriotisme, c'est plutôt Avocats sans frontières. Ouais, ouais. Bah, et la défense manière, des lieux saints, quand même, en Israël aussi. Quoi. Oui, non, mais quoi qu'il en soit, c'est aux Juifs de décider. Ah oui. Qui est un bon patriote français ou qui, bah, oui. Qui n'est pas un bon patriote français. C'est eux qui le décident. Voilà. C'est eux qui décident qui est républicain et qui ne l'est pas. Voilà. En c'est République... eux qui, en tant que communauté, décident qui fait du communautarisme ou qui n'en fait pas. Voilà. C'est ceux qui... En République juive, ce sont les Juifs qui disent qui est républicain. Je suis d'accord avec ça. Alors, puisqu'on, je sais qu'ils avaient annexé le Golan, ça a été reconnu par Trump. Une petite suggestion comme ça, vite en passant, si on pouvait officialiser aussi l'annexion de la France, ça arrangerait tout le monde, comme ça on saurait à peu près où chacun se situe. Voilà. Peut-être attendre encore un peu, mais... Bon. Bah, tu sais, la dernière fois que Netanyahou était venu en France, moi j'avais un doute. Hein. Bah, non, mais pour le coup, ça va vraiment être fait. Enfin, je veux dire, vous voyez, là, le tombeau des rois, en fait, c'est une propriété de l'État français, c'est la souveraineté française qui s'exerce là-dessus. Bah, ça va être annexé, donc bah, voilà, le processus est lancé. Moi je dis simplement, il faut pousser jusqu'en France. Voilà, faut pousser jusqu'en France. Hein, faut... Voilà. Bon, je laisse ça, là, parce que ça relève pas de notre sort, hein. C'est-à-dire s'il faut laisser l'autorité supérieure en discuter, le CRIF va sûrement se prononcer sur la question dans les mois qui viennent, les années qui viennent, on attend. On passe au cas suivant, alors là, le cas suivant est extraordinaire, encore un juif de droite, on en manque. Oui, un juif à droite, plutôt. Oui, alors, Patrick Balkany, vous connaissez Patrick Balkany, je pense, quand même. Un gaulliste, je veux dire. Quand même. Ouais, enfin, gaulliste, oui. Ouais, si, ouais. si, c'est un gaulliste. Comment dire, sarkozyste de choc, etc. Alors, j'ai lu un article de Marianne que je vais vous lire. En le lisant, je ne vous cache pas que je me suis demandé si Marianne était devenue une espèce d'annexe de « Je suis partout ». Quand même, le ton de l'article est étonnant. Il y a une odeur comme ça qui me laisse penser qu'un antisémite s'est glissé dans la rédaction de Marianne. Enfin bon, je vous lis cet article. J'ai pas tellement de commentaires à en faire parce que ça parle de soi. Donc c'est Patrick Balkany qui est accusé, comme vous savez, avec son épouse, de toute une série d'escroqueries. D'avoir créé un empire sur le vol, en fait. Bon, vous allez me dire, déjà, en soi, c'est une accusation antisémite. Alors, voici le détail, puisque son procès a lieu en ce moment. Alors, si vous l'ignorez, Patrick Balkany est maire de Levallois, hein, si vous le saviez pas. Alors, ça commence comme ça. « Je demande à la salle de cesser de rire. Nous ne sommes pas au spectacle. » réclame Benjamin Blanchet, le président de la 32e chambre correctionnelle. Patrick Balkany est à la barre. À la peine, plus exactement. Écarlate, la bouche sèche. Il se tourne dès qu'il peut vers son avocat en lui murmurant des « ça va ?» inquiet. Éric Dupont-Moretti, donc l'avocat, grogne que oui. Mais à entendre les questions du président et celles du parquet, à l'évidence, personne ne semble convaincu par les explications du maire de Levallois sur son train de vie, sa fortune et ses maisons cachées. Vraiment personne. S'avançant vers le micro au centre de la salle, dès le début de l'audience, Patrick Balkany a sorti de sa poche quelques notes. il a souhaité faire une petite explication préliminaire. Il déroule son récit qui est l'histoire de son père, Gila Balkany, un Hongrois qui a fui le nazisme, commence-t-il. Résistant, puis déporté, donc à Auschwitz, son père aurait ensuite fait fortune à la sortie de la guerre, en s'associant avec un autre Hongrois pour la vente du matériel américain du camp Philip Morris du Havre. Patrick Balkany a déjà livré ce récit au juge Van Ruymbeck, en toute fin d'instruction, mais sans apporter la moindre preuve matérielle venant corroborer le rôle de son père. Selon lui, une partie des fonds provenant de la vente du matériel militaire aurait été transférée en Suisse par son père, l'autre lui servant à monter des magasins de prêt-à-porter. On est issu, ma femme et moi, de familles riches, martèle le maire de Levallois, pour vous dire qu'on ne fait pas de la politique pour gagner de l'argent. Puis l'autre manie de son père, là je cite Balkany, c'était comme ça à l'époque, à la sortie de la guerre, était celle de tous les Français qui ont toujours eu un bas de laine sous le matelas. Le goût pour les espèces et les lingots d'or. Là il commande Balkany, c'est un petit lingot, et c'est anonyme. Le coffre de mon père en contenait beaucoup. Ça valait 5500 francs pendant longtemps, et aujourd'hui, dans les 30 000 euros. Donc, les espèces, les billets de 500 euros retrouvés jusque dans ses peignoirs dans les années 2010, proviendraient, à l'entendre, des lingots familiaux. Je vous le dis, monsieur le président, semble presque s'excuser Patrick Balkany. Les espèces, il fallait bien les dépenser. La salle rit une nouvelle fois. L'élu poursuit sa démonstration avec ses propres feuilles de compte. La vente de la société de son père lui aurait rapporté une trentaine de millions de francs. Il aurait également rapatrié 6 millions de francs de Suisse, sous Balladur quand il y a eu l'amnistie, précise-t-il. Plus la vente de tableaux, plus les lingots. Voilà, selon lui, avec la propre fortune de son épouse et les 10 millions de francs que lui auraient accordé son beau-frère et sa belle-sœur, la seule et unique explication de son train de vie, sans commune mesure avec ses revenus officiels. On a bien vécu, c'est vrai. On aurait pu acheter des studios, mais on a préféré en profiter, insiste le maire de Levallois à la barre. En tout cas, c'est notre argent, ce n'est pas un argent qui est tombé du ciel. Je veux dire en cela que je n'ai été corrompu par personne. J'ai horreur de la corruption. Tonne Balkany, provoquant de nouveaux sourires dans la salle. Le visage du président Blanchet, lui, reste impassible. Le magistrat commence ses questions. Tout y passe. La maison de Giverny, c'est 1298 mètres carrés, 11 chambres, 9 salles de bain, sa piscine, son tennis, le tout estimé à plus de 4 millions d'euros par le fisc. Balkany conteste jusqu'au nombre de chambres. Il en compte 3 seulement dans la partie principale. Et puis, là il parle, hein, et puis Giverny est loin de Paris. Et la route devant sa maison qui jouxte celle de Monet est tellement fréquentée que l'estimation du fisc serait selon lui très fantaisiste. Il continue son tour du propriétaire. La piscine est à refaire. Le tennis à l'abandon. À 4 millions, elle est à vous, raille Balkany à l'attention de l'avocat du fisc, maître Xavier Normand Bodard. Même bémol pour l'estimation de la villa Pamplemousse à Saint-Martin. Elle est sur la colline, pas au bord de l'eau, donc c'est une des moins chères, jure Balkany qui soupire à l'évocation des cyclones et des intempéries qui rendent prohibitif le coût de l'entretien de ces maisons aux Antilles. À l'entendre, la villa ne serait qu'une juxtaposition de simples bungalows, je cite, nouveau sourire. Quand vous regardez vous tapez Villa Balkany Saint-Martin dans Google Images, comparé avec un bungalow. Bon, juste. Quant à la maison de Marrakech, le maire de Levallois refuse de répondre pour l'instant, préférant réserver ses explications à la semaine prochaine et au procès pour blanchiment. Mais je peux vous assurer que cette maison, nous n'en sommes pas propriétaires mais de simples locataires, s'emporte-t-il à l'adresse du parquet. Fin de la séquence, villa. Mis devant une foule de contradictions, Patrick Balkany a vaguement réponse à tout. Les déclarations ahurissantes de ses anciens employés de maison sur la circulation d'argent liquide. Il s'agit de gens que nous avons licenciés, voilà l'explication. Concernant par exemple ses déclarations fiscales et le fait qu'avec son épouse ils ont longtemps rédigé des déclarations séparées lorsqu'ils vivaient ensemble, il reporte la faute sur son ancien avocat fiscaliste. C'est la première fois que j'entends cette explication. Quel est son nom ? S'étonne le magistrat du parquet. Arnaud de Laguiche, offensif. Balkany n'est plus très sûr. Autre fautif, à l'entendre, les gestionnaires de fortune en Suisse, au Liechtenstein et dans les autres paradis fiscaux. Je ne m'occupais de rien, ose Balkany. Ces gestionnaires, ils vous disent qu'ils gèrent. C'est eux qui décident de tout. Et en fait, ils prennent des commissions. Aujourd'hui, ils ont vidé les comptes, ils ont tout mangé, il n'y a rien. À l'entendre, l'autre cause de ses ennuis serait le fisc, qui le poursuivrait bien indûment. « On connaît les méthodes du fisc français !» s'exclame-t-il en se tournant vers l'affable maître Normand Baudard. Nouveau rire. Comment dirais-je Il n'y a pas plus de magot aujourd'hui que de beurre en broche, insiste Balkany, qui ricane lui-même de sa formule. Dans cette salle d'audience, Charlotte Béquignon-Lagarde, du nom de la première femme magistrate en France, le seul à ne jamais rire, est le président Blanchet. Même quand Patrick Balkany, pour s'en moquer, lui rappelle ses anciennes fonctions de sous-préfet. Un énième incident provoqué par maître Dupont-Moretti, Benjamin Blanchet, mâchoire serrée, yeux plantés dans ceux de l'avocat, lui répond d'une voix calme mais froide « Je vous rassure, maître, le tribunal délibérera. Il est d'ailleurs là pour ça. » Une façon de rappeler, là encore, que cette salle d'audience n'est pas une salle de spectacle, mais un endroit où l'on juge. Patrick Balkany, présumé innocent, risque jusqu'à 10 ans de prison. Alors, l'article est un peu long, mais j'ai trouvé qu'il était riche de détails. Bon. Turbo juifisme. Oh putain, mais la caricature de Youtre. Ah ouais, c'est... Eh bien, apparemment, c'était dantesque. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait des liasses de billets de 500 euros qui traînaient dans toutes les pièces de sa baraque. Ah ouais, il savait plus quoi foutre de son cash. Oh, ouais, c'est un truc de malade. C'est génial. Alors, putain, là, c'est énorme. Moi, mon père, monsieur, a été à Auschwitz. La carte Joker. Ah, sors ça, c'est bon, quoi. Tu peux tout faire. Tout faire, c'est... L'indicible, monsieur. L'indicible, il a survécu. Après, il a monté sa petite entreprise. Voilà, il a survécu. Et bien, on l'a réussi, voilà. En fait, il avait envie de dire... C'est quand même marrant, oui. Le nombre de youpins qui ont réussi à survivre en sortant des camps. Hein. C'est quand même marrant, ça. Et plus riche quand il rentre. Simone Veil, tout ça. Survie par miracle. Et même quand ils vont pas à Auschwitz, ils parlent désormais de la Shoah par balle. C'est dans les forêts d'Ukraine et compagnie. Et en ce moment qu'ils commémorent tout ça, donc on les voit dans les en plein milieu de la pampa venir dire oui, on a été exécuté massivement. Et tout. Il n'y a aucune trace. Mais... Moi, je connais aussi la Shoah par procuration. en fait, si t'es juif, tu peux dire. Voilà. Non, mais c'est très vrai. Shoah par accident de voiture. Non, mais la Shoah par procuration, ça existe. C'est-à-dire que, par exemple, tous les juifs d'Algérie, ouais, Afrique du Nord, qui ont été rapatriés après 62. Enfin, 61, 62. Bon. Comme Bernard et Lévy, Attali et toute la clique. Bon, ils nous en font des tonnes sur l'Holocauste, etc. Mais ces mecs-là, ils n'ont jamais été génocidés. D'abord, il n'y a pas eu de génocide, vous le savez, mais je veux dire, ils n'ont pas été génocidés. Ils étaient en Algérie, ils étaient en train de se dorer le cul pendant toute la guerre, etc. Bon. Il y a juste Pétain qui a rétabli le port de l'étoile jaune. Oh là là, tu parles la belle affaire. Ça devait les faire rigoler d'ailleurs. Mais bref, ça les empêche pas de dire « Hey, carte Holocauste, pas touche quoi. » Ils touchent les royalties du privilège post-holocaustique, n'est-ce pas, hein, et du mythe très... comment dirais-je, très rémunérateur du mythe des 6 millions de juifs transformés en abat-jour par Adolf Hitler. Donc ça existe, la Shoah par procuration. C'est même pratiquement la règle, en réalité. Hein. C'est la règle. Donc oui, les survivants qui prospèrent, il y en a. Ouais. Non, mais le mec, c'est énorme. Il est en plein tribunal et il sort sa carte de déporté de son père et puis il se lève pour la montrer au juge, quoi. Ouais. C'est assez fou. Moi, ce qui m'a fait le plus marrer, c'est quand il a dit vous n'allez pas faire le procès de mon père, il a demandé des explications sur le pognon. Ça, c'est pas mal. Mais ce qui m'a fait encore plus marrer, c'est le président lui demande, en gros, parce qu'il a fait des travaux dans sa villa là, il y a pour 1,8 million de travaux. Putain. Et donc en électricité, et on lui demande des explications, et il a répondu quoi, le youpin? Il a répondu oui, j'ai changé quelques loupiottes. Les abat-jour, mais avec quel cire alors, du coup. Non, mais c'est scène, il écrit sur la route spa, tu vois, le culot juif, mais là on y est. Hein. Ouais, mais là il s'enfonce. Hein. Parce que quand il fait ça, quand il raconte ses conneries là devant les magistrats ils rigolent moyennement quand même. Je veux dire, ils sont là. Parce que les magistrats, bon. Le juif qui truande, bon, ça c'est une chose, hein, c'est une valeur de la République, le juif qui vole, mais qui se fout de leur gueule ostensiblement, là oui, déjà, oui. Ils ont leur petit ego quand même, hein, tous ces magistrats, hein, donc... Ouais, non, mais je sens qu'ils comment dire, disons que il a son billet, il a un vol simple pour un pays qui est situé je ne sais où et qu'il dit allez, faites ce que vous voulez, de toute manière, moi je me suis goinfré pendant des années, je me suis foutu de votre gueule pendant des années, vous voulez faire de moi un exemple? Vous ne m'aurez pas, puis il va se barrer. Il va se barrer avec sa gonzesse, il va prendre une petite retraite dorée en Israël. Au tombeau des rois. Ouais, le tombeau des rois, oui, bah. Non, non, mais c'est vrai, en plus, je pense qu'il y a. Enfin, de toute façon, ce mec-là, il fait partie du réseau Sarkozy. Bon, j'écarte pas dans l'absolu une possible condamnation de la prison ferme, mais de toute façon, ça va être comme Cahuzac. C'est-à-dire que le mec, il va être condamné à 3 ans ferme. Non, il va être. Comment dirais-je? Il va être condamné à 3 ans sur le papier. On va lui dire qu'il va faire 1 an obligatoire, et puis quand il va arriver là, il y aura un aménagement des peines. Le mec, en fait, il verra jamais la tôle. Et Ouais, dans des bon. prisons dorées en plus, dans les appartements les Bah plus oui. luxueux, comme Tapie qui a fait de la tôle aussi. Alors les gars, avant de nous séparer, je vous propose de parler un petit peu de cette nouvelle polémique Nick Conrad. On avait parlé du clip de rap, vous vous rappelez, Pendez les blancs, pendez les bébés blancs. Hein, je vais Bien remettre sûr. je remettre un extrait pour ceux qui connaissent pas de nos auditeurs, juste pour qu'ils se remettent dans l'ambiance. Voilà. Voilà. Alors il a récidivé. Alors vous savez qu'il était poursuivi. Officiellement pour ce, comment dirais-je, ce clip. Et en fait, il a été condamné à 5 000 euros d'amende avec sursis, hein, pour incitation à la haine raciale. Bon, inciter au génocide des Blancs et à pendre leurs bébés dans les maternités, moi je pense que c'est plus de la poésie que vraiment un appel au meurtre. Donc 5 000 euros, c'est quand même fort de café, même avec sursis. Et d'ailleurs, Nick Conrad, hein, qui est camerounais d'origine, a fait savoir qu'il est fils de diplomate. A fait savoir qu'il faisait appel, hein, de cette décision. Eh bien, il a récidivé, c'est un peu sa réponse. Et c'est une nouvelle chanson qui s'appelle. Alors, c'est un petit peu du même genre, vous allez voir, mais en. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui arrive à maturité, donc qui commence un peu à se poser, à trouver son rythme. C'est beaucoup plus réservé déjà, il est. Oui, c'est plus léger, quoi. Ça s'appelle Je baise la France, je brûle la France. Bon, c'est un peu plus en retrait par rapport au génocide. Enfin bon. Alors, on va mettre un extrait, hein, voilà, on va écouter, vous allez voir, c'est du très bon son. On écoute. Vite dans sa bouche, je veux comme un porc. Liquide visqueux, mâche ça comme à la barre. Cet hexagone, je l'encule sa grand-mère. Air France, on mange trop mal à bord. Quand je veux défendre mes intérêts, à coup d'accord, grosse pute me donne encore tort. Venard hardcore, elle aime quand on se tue, quand y a du sang à l'aéroport. La prof m'a appelé, râlait de quel cal. Sans doute avait-elle ses raisons. Marianne a falsifié ma story, j'ai posé une bombe sous son panthéon. Paltringus, fais attention, t'es beaucoup trop vrai dans tes chansons. La vérité est pire que l'illégal, au bout c'est la mort ou la prison, c'est. Ouais. Je baise la France, je brûle la France, doux pays de mon enfance. Quand tu rentres chez Crapaud qui s'accroupit, on dit qu'il faut s'accroupir aussi. Sauf que Royal est mon ADN, criminel est mon génie. Ma plume détruit, la France qui crie, décortique mixte face à l'OPG. Ils n'ont rien compris, la souffrance de mon âme ne tire pas ses origines d'aujourd'hui. Que dit l'autre con de Charles Trenet? Là jamais été d'où le pays. Négro se prend des bastos dans le crâne toute la vie, mais ne meurt jamais malgré lui. Encaisse le mal infini, stock à l'intérieur et puis renvoie toute l'énergie. Ils font leur prière mais ils meurent à la fin car il n'y a que le noir qui soit béni. Oui. Béni, oui. Je baise la France, je brûle la France. Alors, bon, j'ai quand même envie de faire écouter, de vous lire quelques lyrics. Quand même pour que, voilà, vous sachiez un petit peu. Alors, bite dans sa bouche, jouit comme un porc, liquide visqueux, mâche ça comme Malabar, cet hexagone, je l'encule sa grand-mère. Première strophe. Sans doute avait-elle ses raisons, Marianne a falsifié ma story. Je vais poser une bombe sous son panthéon. Okay. Ouais, je baise la France, je brûle la France, doux pays de mon enfance. Que dit l'autre con de Charles Trenet? N'a jamais été d'où le pays? Je baise la France, je brûle la France, doux pays de mon enfance. Nique le buzz, je veux tout baiser. Et sans faire d'effort, je vais pulvériser toutes ces catins. Je baise la France jusqu'à l'agonie. J'ai brûlé la France. Instoppable est l'incendie. Je baise la France. Et ça continue comme ça. Donc c'est quelqu'un, je crois, qui, parce qu'à l'issue de son procès, il avait dit qu'il était pas raciste, que c'était du second degré, que ça avait été mal compris. Bon, bah là, je pense que c'est une nouvelle chanson. Voilà, bon, il répond en fait. Je sais pas, c'est peut-être de l'ironie. Je sais pas. Je vous pose la question, quoi. Hein, un nouveau clip de Nick Conrad. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les arts et les lettres françaises progressent, finalement? Ouais, il y a une allusion aussi à un très grand artiste qui s'appelle Monsieur R, je crois. C'est un ami de Besancenot et qui avait dit la France, tu la baises je la baise jusqu'à l'étouffer. Juste comme ça. Donc, c'était il y a 10 ans au moins, ça. D'accord. Et Besancenot avait posé avec lui. Bon, là, on a la construction d'un véritable courant littéraire, artistique, oui. Qui restera dans l'histoire et qui montre la grandeur de notre continent. Alors, là, il dit, je la baise jusqu'à l'agonie. Ouais, c'est beau. Il y a une évolution, tu vois, il y a une progression, j'ai envie de dire, dans le... C'est-à-dire, c'est pas... Parce que d'aucuns pourraient penser que, oui, en 10 ans, finalement, les progrès sont assez limités dans le style... ou dans la qualité littéraire des textes, ben non, c'est voilà, maintenant c'est je la baisse jusqu'à l'agonie. Non, c'est bien. Comment dire, alors ce qui est intéressant avec lui, il explique, hein, donc c'est quelqu'un qui se pose quand même comme une espèce de porte-parole en fait de la négritude, porte-parole de la souffrance noire, de l'oppression blanche. Parce qu'apparemment, il est oppressé. Mais c'est un fils de diplomate. Donc, en fait, c'est quand même quelqu'un qui vient de la bourgeoisie noire, africaine, quoi. C'est quelqu'un qui a été quand même choyé par le système français, puisque j'ai même appris dans sa bio qu'il a été soigné très longtemps dans les hôpitaux français. Donc, aux frais des contribuables français. Contribuables en deux mots. Hein. Donc, il a été soigné très longuement par des infirmières françaises, de moins en moins français, je vous l'accorde, mais en tout cas des docteurs français. Et il n'a pas la reconnaissance du ventre, hein, notre ami. Hein. Il veut tout cramer sur fond de guerre raciale apocalyptique, après avoir expliqué tout l'inverse, hein, qu'il n'était pas raciste ou quoi que ce soit. Bon je sais pas. Un nègre. c'est un sale nègre. Sale nègre. D'ailleurs, Alain Soral a eu un mot assez juste. Il a dit « sale nègre » sur son compte officiel VK. C'est à observer quand même, c'est à relever. Alors, en tout cas, c'est marrant parce qu'il a une fascination pour ce qui est blanche. Enfin, pour les voitures blanches et pour les blanches. Dans son clip, là, il finit par étrangler une blanche dans un champ. Ouais. Bon, mais bon, visiblement, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est baiser, quoi. Le reste... Ouais, non, quand même, conduire des voitures aussi, quand même. Ouais, puis éventuellement prendre des blancs. C'est un nègre, hein. Non, mais ils ont fait quoi depuis 400 ans? Regardez, Haïti, la révolution. Les mecs sont esclaves, ils se barrent dans les montagnes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent par milliers, ils tuent des blancs, ils violent leurs femmes devant eux, après ils tuent les hommes devant les femmes... Je veux dire, on a été prévenus quand même. Il y a un truc qui s'appelle l'histoire. Hein, voilà, donc, il y a l'histoire, il y a les mecs qui maintenant, comme la LDNA, Nick Conrad et compagnie, nous disent ouvertement, ou même Eleonora Miano, celle qui vous dit, mais n'ayez pas peur, ça va se passer, c'était une mutation, ça va se passer. Ils nous le disent. Bon, mais s'il y a des cons pour encore pas comprendre tout ça, écoutez... Bah, ils y passeront hein, à ce moment-là, je veux dire. Ouais, c'est... Enfin bon, c'est... Si tu veux, là, je suis en train de regarder le clip. T'as le nègre qui étrangle... Non, mais c'est vraiment ignoble. Mais... Les nègres, je pense, n'ont pas conscience de leur connerie, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont... À un moment donné, ce qui te permet de juger ton intelligence, bah, c'est ta propre intelligence. Donc... Ah oui, non, il a pas du tout conscience de lui. Non, non, ça c'est sûr. Oui, c'est... Il ne se rend pas compte que, non, en fait, pour la plupart, enfin, pour les blancs encore sains, tu resteras un nègre. Et alors, le truc qui est magnifique aussi, c'est cette espèce de foulard, là, qu'il a sur le crâne. Ah oui, oui. Avec le nœud qui est devant, c'est un concept. On dirait un Kinder Surprise. Non, mais l'univers, on voit bien. Enfin, il est là, il se balade, il est en bagnole blanche. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il se montre? Il y a deux symboliques. C'est-à-dire, je conduis la bagnole blanche. En fait, je domine la race blanche. En fait, c'est ça que ça veut dire, quoi. Et la voiture, sachez-le, la voiture est associée dans l'inconscient aux femmes. C'est... L'attirance des hommes pour les bagnoles s'explique aussi comme ça. Il y a une espèce de... Et en fait, il conduit une bagnole blanche, une Audi allemande. Ouais, bon, c'est pas des nègres qui vont produire des Audi, ça c'est sûr. Ouais, c'est une Volkswagen, une voiture du peuple. Ah, t'es sûr, c'est pas une Audi? J'ai cru que c'était une Audi. D'accord. Attends, j'ai à revoir, mais il me semble que c'était une Golf, hein. Ouais, j'avais cru que c'était une Audi, mais bon, peu importe. C'est une Allemande. Voilà, il est dans sa bagnole blanche. Ah non, t'as raison, c'est une Audi. Ouais, une Audi, voilà, blanche. Il monte ça, etc. Bon, il baise une blanche, il l'éclate. Il joue le gros costaud. Mais en fait, qu'est-ce que ça traduit, ce truc-là? Ben, en fait, c'est que ces mecs-là, ils produisent rien. Dans leur univers mental, vous plongez dans leur psychologie, là, élémentaire. En fait, je vais chez le blanc. Je squatte. Donc je prends cette technologie, je m'amuse avec, je chope une blanche, je la viole, je la tue. Cool. Je vous ai résumé tout le programme nègre. Hein. Je veux dire, il n'y a que ça, il n'y a rien. C'est-à-dire que ces gens-là, en eux-mêmes, ils font rien. Waouh. Alors attends, là, c'est terrible. À la fin, t'as un message, je lis le message. Hein, c'est... Le mot France est à considérer ici comme mentalité française. Média. Ah bah, ouais. Etc., qui se sont arrogés le droit de qualifier Mick Conrad dans des termes inexacts. Il sait même pas écrire français, ce con. Plutôt que d'ouvrir le débat épineux. C'est donc sur eux que se tournent ces mots, mais en aucun cas sur les Français, point ES, point, donc il fait de l'écriture inclusive, qui subissent malgré E.L, alors il a pas utilisé IL, il a fait E.L, l'influence des médias et des leaders d'opinion mensongers. Nick Conrad, artiste homme libre. Qu'en plus, ce nègre se prend pour un intellectuel et utilise l'écriture inclusive. Oula, c'est une synthèse. Au four. Bah non, mais on mesure. Vas-y, vas-y. On mesure le chemin parcouru depuis Platon et Aristote, hein, 25 ah, siècles ouais. Pour en arriver là. Bah ça valait le coup, hein. Bah, faudra qu'on m'explique, comme tu disais, comment ils font pour être des rois alors que la seule chose qu'ils savent faire, c'est être des mendiants et squatter chez les autres, quoi. Tout à fait. Bah, c'est une bonne question. Bah, si tu leur donnes une équipe de foot encore, quoi, t'en as 2-3 qui peuvent s'en sortir. Tu vois, ils jouent au ballon pour des ronds, mais c'est tout, quoi, ça va pas plus loin. Hein. Non, non, mais bon, ils ont une. En fait, les types ont un tel sentiment. Parce que c'est ça, en fait, les nègres, ils font les malins comme ça, ils ont un tel sentiment d'infériorité, ils veulent tellement ressembler aux blancs, ils en conçoivent une haine maladive, et là, ces gens, c'est pas la peine de mettre des nègres au milieu des blancs, ils seront toujours malheureux, je veux dire, il faut les ramener en Afrique, c'est tout, voilà, et le Nick Conrad, machin, qui fait son numéro, sa star, machin, moi, je le mets dans le premier avion, direction le Cameroun, voilà, et il va parler à sa tribu là-bas, il se lance en politique, je sais pas, il fait quelque chose, voilà, mais qui reste pas là, les pieds sous la table en France, à se faire gaver de blé là pour nous dégueuler dessus, alors que ce type, chez lui, ça serait un mendiant parmi des millions de mendiants. Voilà. Je suis persuadé qu'il y a des blancs, des candoles blancs. Qui doivent l'aider pour la partie logistique ou la partie technique pour faire ses clips à la con. Bah, ça, c'est j'en suis persuadé, t'as des candoles de merde. Non, mais de toute façon, ça fait partie de la. Regardez bien, hein. Regardez les Rokhaya Diallo. C'est sur RMC, ils sont là, oui, on est percé. Vous imaginez une autre équipe sur un média d'État en France, un média public, ça... Non, ça n'existe pas. Alors que Rokhaya Diallo, son job. C'est la haine raciale anti-blanche, ok? C'est son fonds de commerce. Hein, elle en est à vendre des pansements noirs. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de pansements noirs, elle dit que c'est une oppression raciste. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, quoi. Donc, voilà, elle vend ça, elle fait des défilés, elle promeut des trucs de mode, etc. Enfin, c'est le département d'État américain à 100%. Et elle est là, elle incite constamment à la haine raciale pour nous mettre sous pression, pour mettre le prolétariat blanc sous pression. Vous en avez toute une série comme ça, des turames homologués par le CRIF. Là, il y a le CRIF derrière, il y a les crochus, encore une fois, en train de présélectionner leurs bons nègres, là, pour leur servir de bouclier humain et pour nous les foutre sur le dos. Donc, des armes biologiques des juifs. la LDNA, les mecs se baladent partout en France, ils alpaguent des magasins, ils vont au siège du Front National, hurler comme, et je vous dis, hurler comme des singes. Le mot n'est pas, c'est même pas une, c'est même pas une image. Il faut les voir accrochés aux grilles en train de hurler, c'est des macaques, d'accord ? Et ces mecs-là, ils déambulent partout. T'as Obono qui est au Parlement, machin, et combien d'autres comme ça ? Ces gens ont carte blanche. Imaginez un instant, et si vous en doutez, moi j'ai plusieurs exemples en tête, mais imaginez que ces mecs-là se mettent à critiquer les juifs avec la même force qu'ils critiquent les blancs. Imaginez juste un instant. C'est terminé, c'est plié en quelques heures. Rokhaya Diallo, par exemple, je ne sais pas vous si vous suivez les réseaux sociaux, Rokhaya Diallo, donc, qui est, je le répète, elle fait partie du elle est homologuée par l'équipe de Maval, le département d'État, le Parti démocrate, qui triangule à fond grâce aux questions raciales, donc in fine les juifs. Cette gonzesse-là, sur les réseaux sociaux, elle se faisait brancher par Raphaël Enthoven. Je vous présente plus Raphaël Enthoven, son fils est d'ailleurs à l'UPR, hein, vous avez entendu parler de ça. Donc, Enthoven. Son job en ce moment, c'est de s'assurer que l'antiracisme, c'est-à-dire la haine du blanc, reste entre des mains juives. Il y a un marché de l'antiracisme, c'est une arme stratégique. Il est hors de question que les nègres, et encore moins que les arabes ou les musulmans, puissent tirer profit de l'antiracisme. Il y a Raphaël Enthoven qui n'a pas arrêté sur Twitter de brancher Rokhaya Diallo pour la pousser à la faute sur quelle question ? La question d'Israël et la question juive. Donc il l'a branché, il l'a branché, il l'a poussé. Et à un moment donné, je pense qu'il y a un mec qui est venu la piéger, en fait, Diallo, parce qu'elle a retweeté une caricature d'Enthoven où, en fait, il y avait glissé, en tout petit, une étoile de David. C'était un piège. C'était un piège des juifs. Oh là, le juif ouais. Perfide. Et là, Raphaël Enthoven, il retweet, mais Madame Rokhaya Diallo, vous avez bien regardé ce dessin, etc. Est-ce que vous cautionnez ? Et là, Diallo, elle regarde de plus près, elle le voit, ah oui, je m'excuse, etc. Tout la vache. Et dans ces... Si vous faites gaffe, Enthoven, c'est le pro de ça, mais il le fait en fait dans son discours. Dans son discours, il laisse échapper des petites subtilités qui peuvent être reprises par son interlocuteur, enfin son adversaire dans le débat, et lui remet à la gueule. C'est le spécialiste de ça, Enthoven. C'est très juif. Hein. C'est... Bah, en fait, il l'a gaulé comme ça, et après, la nanette, qu'est-ce qu'elle a dit ? Donc, il y a eu une discussion publique sur Twitter, et à la fin, elle fait tchouva. Elle dit oui, mais je n'assimile pas les juifs. À la domination blanche, blablabla, quand même l'Holocauste. Et là, Enthoven y conclut, merci madame. Elle n'a pas demandé un petit peu une subvention comme un petit film sur l'esclavage. Elle n'a plus jamais été emmerdée. Et donc, et maintenant vous entendez Enthoven, alors maintenant il remballe, il dit que c'est comment il faut arrêter avec la censure, il faut arrêter avec, comment dirais-je, le communautarisme victimaire. Sans blague, hein, etc. Il va sans dire que ça ne s'applique pas aux juifs. Hein. La loi Guesso, elle reste en place. Les persécutions contre les mecs qui critiquent les juifs et le pouvoir juif, ça reste en place et ça se renforce. Les appels à la répression, il n'y a pas de problème. En revanche, les métèques et les basanés, ils doivent rester assis où ils sont et bien savoir qui est le patron dans cette boutique dite de l'antiracisme, c'est-à-dire de la haine anti-blanche, institutionnalisée. Quoi. Voilà. Et ça, faut le voir. La LNDNA, vous les voyez hurler partout. Vous ne les verrez pas critiquer l'État d'Israël ou qui est à l'origine de la guerre en Libye. Parce que c'est quand même en Libye où il y a des marchés aux esclaves noirs, hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein. C'est quand même un peu grâce à Bernard-Henri Lévy, il faut quand même le souligner. Il n'y a rien. À la minute où ils s'amuseraient à le faire, la LDNA, je peux vous assurer que la préfecture de police de Paris, donc encore une fois, le pouvoir juif, règle le problème en quelques jours. Donc ces mecs-là, s'ils opèrent, c'est que le pouvoir juif veut qu'ils opèrent. C'est tout ce que je voulais dire. Et donc, sur ces rappeurs, là, machin, ouais, nique la France, machin, etc., c'est les juifs, ça. Bilal Hassani, dans un autre registre, mais toujours dans le domaine audiovisuel, à grand spectacle, pop. Bon, bah, en Israël, pour le coup, là, directement, c'est signé. derrière lui, toute son équipe de prod, c'est des juifs. Et ça, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que c'est à la fois pour humilier la France, à l'international, pour montrer l'état d'abaissement moral de la France, bien sûr, montrer à quel point les juifs, en fait, l'écrasent, mais ils font faire le sale boulot par des tapettes du Maghreb, ce qui humilie du même coup, je veux dire, le mâle musulman du Maghreb, un petit peu musulman, un petit peu observant, quoi, je veux dire, il voit ça, il est effondré, quoi. Je sais pas si vous... Enfin, de la même façon qu'on est effondré par ce truc-là, le mâle musulman qui se respecte un peu, il doit dire c'est quoi, c'est pas le Maroc, ça. Vous comprenez? Je dis pas qu'il y a pas de la... Je dis pas qu'il y a pas de l'homosexualité au Maroc, qu'il y a pas des bordels à gamins au Maroc, il y en a, ils sont protégés par la couronne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une arme psychologique entre les mains des juifs. Voilà. Et ces nègres-là sont manipulés par eux. Pourquoi est-ce que Dieudonné a rendu tous les Youtrons totalement hystériques? Parce que les Youtrons avaient très bien compris que s'ils mettaient le grappin sur le public qui était visé par l'antiracisme, hein, donc à savoir les métèques, s'ils perdaient ce public, ça allait commencer à devenir très très chaud pour eux. C'est pour ça qu'ils ont pété les plombs, les Youpins. Bien sûr. Souvenez-vous de cette histoire, c'était magnifique, c'était splendide. Et je pense que Dieudonné a fait quand même beaucoup, malgré tout, pour la montée de l'antisémitisme en France. On peut le remercier. Bah, il a cassé le monopole juif de la haine anti-blanche, de ce qu'on appelle l'antiracisme. Il a cassé ce système de triangulation stratégique qui était entre les mains des crochus, c'est-à-dire SOS Racisme, la LICRA, l'UEJF, toute la clique, quoi. L'ambassade d'Israël, en fait. Hein. Bon, bah, c'est lui qui a pété tout ça. Enfin, du moins, pété. Non, ces organisations sont toujours là, mais elles sont identifiées comme juives. En revanche, Dieudonné, comme un con, a félicité Nick Conrad pour sa performance « Pendez les Blancs ». C'est très bon pour nous également. C'est dans l'absolu, je m'en fous, mais je veux dire, peut-être parce qu'il est camerounais comme lui, j'en sais rien, mais comment dirais-je, ça dérange pas le pouvoir. La haine anti-blanche, la preuve, le mec a pris 5000 euros avec sursis, bon, pendant ce temps-là, tous les mecs qui critiquent un peu, enfin, le vrai mécanisme du pouvoir, bon, quand on critique un peu les musulmans, l'immigration, on peut se prendre des peines d'amende, si on pousse un peu trop loin dans le racisme, etc., effectivement, on peut prendre un peu de ferme, mais quand on s'attaque à la maison mère, là, le tarif, c'est pas du tout le même. Nick Conrad, on a bien compris que quand il a attaqué les blancs billes en tête en appelant à les pendre et à pendre leurs gosses, bah, on a bien vu qu'il y avait rien, il se passait rien, il n'y a pas de répondant. Donc ça montre l'état d'influence des Blancs en France, c'est-à-dire qu'il y a 53-54 millions de Français de souche en France, ils ne contrôlent plus leur appareil d'État. S'ils contrôlaient leur appareil d'État, Conrad, il aurait pris un an ferme, le maximum de la peine prévue par la loi. Il n'a rien pris. D'accord ? Moi, je dis pas que je suis pour la censure, je dis simplement que c'est ce qu'il aurait dû prendre si le système avait été dirigé par un système raciste, blanc, patriarcal et néocolonialiste, c'est ce qu'il aurait fait. Or, le mec, il est reparti avec une petite tape sur les doigts en disant « Faut pas recommencer, monsieur. » Qu'est-ce qu'il fait? Il signe un texte exactement du même acabit, quoi. Où il appelle, en fait, à semer l'incendie partout en France pour des raisons raciales. Donc, il appelle à l'émeute raciale, en fait. Donc, et ça ne dérange pas le pouvoir, ça. Et de voir Dieudonné féliciter ce sale nègre, simplement par solidarité nègre, bah, ça montre vraiment... La limite du personnage, quoi, je veux dire. Ce qu'il aurait dû faire, c'est l'appeler, on dit ouais, d'accord, mais la prochaine fois, vise juste, tape un peu plus haut, tu vois. Tu voudrais dire faire un clip du type brûler les juifs? Tu penses qu'il aurait eu le Nick Conrad. Si Nick Conrad avait fait un clip qui s'appelait Pendez les juifs. Je suis pas sûr que ça serait bien passé, quoi. Là, pour le coup, l'année ferme, il la faisait, là. Oh oui. Mais finalement, le nègre n'est pas très courageux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Non. Donc voilà, bon, je sais pas si quelqu'un d'autre veut parler de ça, cette espèce d'appel à la haine anti-blanche, totalement mainstream, sponsorisé, de plus en plus institutionnalisé, notamment médiatiquement. Quelqu'un verra-t-il la performance de ce pauvre nègre, là, de Conrad? Non? Sale nègre. Oui, sale nègre. Sale nègre. Saura la raison. Non, mais quand tu vois le cirque qu'ils font. Non, mais quand vous regardez, je sais pas, Génération Identitaire, là, qui veulent dissoudre. Parce que les mecs, ils ont fait l'affaire du col de l'échelle, ok, où ils ont dit simplement, ouais, y a un concept légal un peu bizarre, là, quelque part, ça s'appelle les frontières, vous savez. C'est les types, non, dissolution tout de suite, maintenant. Tu sais, c'était le CRIF, hein, le CRIF officiellement sur son compte Twitter, hein, prise de position officielle. Il faut dissoudre ça, tout de suite. Ils en sont où d'ailleurs? C'est dans les tuyaux, je crois. Hein. Ouais, ça continue, ça poursuit son con, hein. On va voir ce qui va se passer. Mais je veux dire, quand des blancs n'appellent pas à pendre je ne sais pas qui, mais quand des blancs disent simplement ouais, c'est encore un peu notre pays, enfin, quand des Français de souche disent c'est encore un peu notre pays, est-ce qu'on pourrait faire respecter la loi? Les types, on appelle pratiquement à les dissoudre vivants dans un bain d'acide. Tu vois, quand je dis on, c'est les juifs. Hein. Les juifs appellent à les dissoudre physiquement. Les nègres appellent à génocider des gosses blancs. Non, c'est bon, ça passe. Pour la forme, allez, un petit procès pour la forme. On lui dit, ouais, c'est pas bien, quoi. Et hop, ça passe. Et puis, t'as quand même un appel au viol dans cette. Ce clip, ouais, ce. Ah, là, les féministes, on les entend pas, là. Ouais, je sais pas. Ils n'ont pas mesuré la taille des trottoirs dans le clip. Ben, l'intersectionnalité compliquée. Bah, dans les champs, il n'y a pas de trottoirs, c'est ça le problème. Et en fait, ouais. il faudrait faire des trottoirs, il faudrait aménager de façon différente les champs. Peut-être que ça irait mieux. Bon, ouais, les trottoirs et les nègres, ça peut donner des choses sympas aussi dans le cinéma. Non, mais je veux dire... Non, mais c'est marrant parce que les nègres sont tellement primitifs qu'en fait, ils restent toujours à un niveau très élémentaire. Et quand ils essayent de parler politique... Bah, ils en viennent tout de suite à ce qu'ils recherchent, c'est-à-dire ouais, l'émeute raciale, le meurtre et le viol de blanc. Je veux dire, voilà, c'est quoi le programme politique des nègres? C'est ça, quoi. C'est tout, je veux dire, je vois même pas pourquoi on se casse la tête avec ces gens-là. Voilà, quoi. C'est l'horizon du nègre. Voilà, bon. Moi, mais quand tu peux pas produire par toi-même et que tu jalouses que les autres ont, la seule solution que t'as, c'est de te l'approprier, quoi, par quelque moyen que ce soit. Visiblement. Bah, tout ce beau monde-là. Non, mais il va falloir que les blancs se mettent quand même en colère. Parce que là, maintenant, ça commence vraiment à suffire. L'objectif, maintenant, c'est de mettre les blancs en colère. Faut que les blancs soient en colère. Voilà. Opération White Anger. Exactement. Ouais. Non, mais vraiment, il est temps. Voilà. Il faut une colère. Mais vous voyez, une colère. Sourde, une colère profonde, une colère qui dure, ouais, une colère froide. C'est ça qu'il nous faut, quoi. Et il faut encourager. Surtout que, contrairement aux nègres et aux sémites, notre colère, est, comme tu l'as dit, elle est sourde, elle est froide, elle est dans la durée et elle est industrielle. Voilà, c'est avis ça. Aux amateurs. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on parvienne à obtenir ce changement d'état psychologique dans les masses blanches, petit à petit, quoi, et qu'on fasse basculer les blancs dans la colère. Voilà. C'est l'objectif numéro un. Quand l'énergie, quand la colère comme source d'énergie sera là, ensuite ça ira tout seul. La colère blanche peut déplacer des montagnes. Oui. Ça dégage énormément d'énergie. Voilà, c'est ce qu'il faut obtenir. Voilà. Et ensuite, on verra qui a envie de parler de génocide, de pendaison de masse, etc. On pourra commencer à parler. Hein, on a entendu, hein, voilà, ils nous ont dit ce qu'ils veulent, voilà, les juifs ont parlé, les nègres ont parlé, oui, tout le corps, très bien, bon, bah, ça va être notre tour de parler. On verra ce moment-là, hein. Je propose de nous séparer sur cette note d'optimisme. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À bientôt. Merci, les gars.